et merci pour cette semaine. Là, c'est fini pour ce soir. Déjà. Rencard samedi soir à Starfloor animé par Karima et mon compère Mickaël. Et oui, je suis là, bien entendu, évidemment. Ça pas va, de tout week-end, va bien. Hein. Non, pas de week-end, remarqué toi, c'est bien. On fait plus cette semaine. Oui, est-ce que dans la love brocante, on peut se débarrasser de vieux meubles comme Toff? Si faut voir avec Samira, on va négocier. Bon, très bien, je poserai la question alors, pas de problème. Mais c'est samedi la love brocante, non, on peut pas. De Starfloor. Merde. Bon, bah oui. Toff, il peut y aller. Bah oui, moi je si tu veux t'en débarrasser. Je crois qu'il est sur Candy Crush là. Ouais, si tu veux t'en débarrasser, vas-y. Je suis champion du monde de Candy Crush. On voit ça. T'es quel niveau, Toff? Je sais pas, attends, faut que je regarde. Très haut niveau, puis s'il joue quand même à peu près de 23h à 2h tous les soirs. Le mec, il faut rien pendant l'émission. Voilà, ça, bah, il faut bien que je m'occupe. Hein. Ça vole pas mal. Merci, Karl, puisque moi je le vois pas, donc flacon d'ici. T'inquiète pas, je suis là. On voit bien d'ici. Voilà. Une vraie balance, moi. Parfait, merci à vous, parce qu'on est dans le studio, deux studios séparés. Hein, on a une autre. Et puis on a celui, parce que le doc, il a besoin d'un grand studio avec un canapé et tout ça. Ouais, bien sûr, c'est une grande vedette. Non, mais je veux pas laisser Karl. Karima et Lilou avec toi. Surtout Lilou, oui. Protège sa meuf. Oh, bah oui, c'est clair. Non, moi, je prends pas des meufs comme ça qui disent des trucs bizarres. Suce ma bite. Ouais. Prends pas ça, moi. Le doc est très jaloux, là. Oui, c'est vrai. Ça, c'était bon. Avant. Et oui, en plus. Bon, bah, bon week-end, en tout cas. Enfin, bon week-end. Et on se retrouve samedi. On se retrouve samedi. En direct sur Fun Radio. Exactement, avec Karima et puis des petits artistes. Ils seront là. Mais le plus important, c'est Karima et moi-même. Ouais. Bien sûr, surtout toi, Mickaël. Les vrais stars sont là. Tout à fait. Allez, bonne émission. Bon week-end. À samedi. Salut, ciao. Et puis nous, c'est parti. On est là jusqu'à 2h. Mickaël. No limit. Tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Fun Radio. Yes. Bonsoir, tout le monde. Ça y est. En tout cas, je suis impatient de vous retrouver samedi soir là sur la scène de Starfloor. Ça va être la folie totale. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, ce sera retransmis évidemment en direct sur Fun Radio et dès 20h. Voilà, je suis en pleine négociation pour essayer de faire venir une star supplémentaire. Une star mondiale. Ouais, mais une star vraiment une star supplémentaire, c'est celle-là. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelet est fou, je me croque les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc, je me croque ma merveille. Voilà, Jean-Pierre Sauzère qu'on va essayer d'avoir tout à l'heure. Il m'a appelé sur la ligne, je sais pas comment il a fait pour avoir la ligne directe du bureau. Si le téléphone sonne, je vois un numéro bizarre. Je me dis, pas décrocher, ça peut les emmerder. Il ressonne, je décroche. Je fais allô, c'est genre voix discrète. Allô. Ouais, c'est Jean-Pierre Sauzère. C'est une blague. Comment il est arrivé là, celui-là? Donc voilà, donc Jean-Pierre Sauzère qu'on va prendre au téléphone d'ici quelques minutes parce qu'il voulait passer à l'antenne ce soir pour par rapport à son nouveau titre qu'on vous a fait découvrir il y a 2 jours. Bon, moi je m'appelle Mickaël, on est ensemble du lundi au jeudi de 23h à 2h et puis le dimanche on reviendra dès 20h sur Fun Radio de 20h à minuit avec la semaine prochaine des PlayStation 4 qu'on aura à vous offrir dès dimanche soir 20h. Et pour passer à l'antenne, eh bien vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et vous arriverez ici comme Navy qui est avec nous maintenant. Comment ça va, Navik? Ça va bien, toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, ça va, tranquille. Navik, t'as passé une bonne journée? Ouais, ben un peu dur, mais bon, 9 heures de cours, quoi. Ah, 9 heures de cours? Oh là là, quelle angoisse. Ça fait mal au cul, ouais, surtout avec des profs un peu chiants. Un peu chiants, bah ouais, j'imagine. Non, mais c'est bien, on s'emmerde pas, en fait, de 8h à 10h, on rattrape le minuit 2h qu'on vient de passer avec toi, en fait. C'était quoi les deux premières heures? C'était management et histoire. Oh là, ouais, c'est bon. Oh là, ouais, donc c'était sieste. Quoi. Attends, après 2 heures de marketing, encore pire. Ah bah ouais. Donc là j'ai dormi. Après je suis allé bouffer. Je me suis dit bon allez, on va faire une petite sieste après bouffer. Ouais. Et après bon bah il y a bien sûr la petite sieste du 16h30 jusqu'à 17h30. Quoi. Bah oui, non mais c'est normal. Normal. Donc voilà. Bref, t'as eu une bonne petite journée quoi. Ouais, je me suis reposé pour ce soir, quoi. Mais t'as raison. Voilà, normal, jusqu'à 2h, on est là. Avec, il y a eu du lourd hier soir, je passe à écouter l'émission. Mais Gilou, il m'a tué hier soir. Oh là là, on a eu Gilou. Les gars, mais c'était trop fort, hein. J'ai rigolé, mais du début à la fin. Mais nous aussi, on était morts de rire. Surtout avec Lana et les mecs, là, qui simulaient, putain. Ouais. Bon, hier, on a fait une spéciale impro, donc on va la refaire ce soir. Et on a des cadeaux pour vous ce soir. Hier, le mec s'est quand même barré avec une télé, donc tranquille, hein, le mec, pépère. Et donc ce soir, on refait le jeu de l'impro. Donc si vous voulez jouer au jeu de l'impro, on cherche 2 personnes. Appelez-nous maintenant, appelez Sandro 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, on fait bah, on va vous donner un thème avec 2-3 petites infos, 2-3 petites difficultés. Et puis pendant 2-3 minutes maximum, il va falloir eh ben, jouer le rôle en fait, tout simplement comme au théâtre. Voilà, le jeu de l'impro, on remet le couvert ce soir. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Reste avec nous Nevik dans quelques minutes. Sandro va bien également? Ouais, ça va. Tiens, est-ce que tu crois que tu pourrais être plus intelligente qu'une Miss? Non, pas forcément. Non, bah écoute, on va voir ça on va voir ça tout à l'heure. J'ai le quiz qui a été fait aux Miss avant l'élection. Donc si vous pensez être plus intelligent qu'une Miss, eh ben appelez-nous également, on va le refaire. Tof, je te demande pas si tu peux être plus intelligent qu'une Miss, hein. Non. Je pense que non. Non, effectivement. De toute façon, le principal, c'est que tu restes évidemment champion de l'insulte. Faites chier. Ouais, exactement. Sale con. Complètement. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes même un dégueulasse. Complètement. C'est bien résumé. Je pense. C'est le meilleur résumé qu'on pouvait faire. Voilà. Et puis on accueille également notre ami Polo, hein, comme d'habitude. Polo et le Pipo. Polo qui sera d'ailleurs au mais seul au Star Floor, hein, puisque personne ne veut l'accompagner. J'ai 5 minutes de. Salut. Ça, oui. Bah, le gars qui passe devant la devant la vitre de la radio. Je fais, salut. Salut. Ça va. Je salut, voulais. Je vais faire un solo de Pipo en plein Star Floor. Ouais. Alors c'est pas prévu, donc c'est une surprise. Ah, ce sera une surprise, ouais. Bon, ce soir on vous offrira également encore des sextoys hein, au troisième du top Twittos, hein, comme on connaît déjà les deux premiers, puisque ce sont quand même très souvent les mêmes, hein, pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Ce soir on offre un sextoy au troisième. Oui, du top et seulement Twittos. Au troisième. Voilà, donc comme il faut ça. Bien tweeter. Mais pas trop, voilà. Parce que sinon forcément vous êtes trop haut et il faut pas être trop bas non plus. Donc si vous voulez participer, bah, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chance évidemment d'être dans le top 5 à la fin de l'émission du top Twittos. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs que vous pouvez via Twitter, Facebook ou même par SMS proposer des thèmes pour l'impro qu'on fera tout à l'heure. Donc si vous avez des thèmes à proposer, des idées. Je veux bien proposer un thème, moi. Ah vas-y, c'est quoi? Alors c'est sur une aire d'autoroute, il y a une voiture qui tombe en panne et là il y a deux meufs qui tombent en panne et il y a un mec qui arrive pour les dépanner. Pourquoi pas? Et ça part en couille quoi. Pourquoi pas? Alors évidemment le point un peu compliqué c'est que j'arrive en plein milieu hein. Y a, bah Michel est là évidemment. Ah bah forcément, forcément. Ouais. Donc la guest. Ah bah évidemment, je suis le guest star moi dans tous les épisodes de l'impro, je serai la guest. Donc bah pourquoi pas. Donc l'impro, on va le faire dans quelques minutes. On va également prendre Damien avec nous là. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment ça? Ouais, soir. Ça va? Impeccable. Eh bah impeccable, bah, j'ai envie de dire tant mieux alors dis-moi Damien, tranquille. Bon Damien, tranquille. Tu vas jouer toi puisque tu vas jouer pour tenter de choper le dernier PC portable avec la colle. Le principe est simple, tu vas poser une colle. Il faut que les auditeurs trouvent la bonne réponse. Si il y en a qui trouvent la bonne réponse, eh bien ils repartent avec le PC portable et tu repars les mains vides. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne. D'accord? D'accord. Allez, fais péter. Je suis un mot de 9 lettres. Dont une est répétée 3 fois, je suis invisible et pourtant je suis juste sous votre nez. Qui suis-je? Ah, si vous avez la bonne réponse, donc je répète, je suis un mot de 9 lettres dont une est répétée 3 fois, je suis invisible et pourtant je suis sous votre nez. Qui suis-je? Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien allez-y, maniez-vous, le PC portable est à gagner, c'est le dernier. Voilà, mais personne trouve, j'aimerais bien gagner. Bah tu m'étonnes. Il suffit d'envoyer Mickaël au 64-900. Ou au 63-22 depuis la Belgique, voilà. Et Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Sans oublier également que vous pouvez jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bonne chance, on donne la réponse avant minuit 30. Tu ne bouges pas de là, Damien, on va te reprendre tout à l'heure pour bah, répéter la colle au cas où, hein. D'accord? Pas de soucis. Bon, bah bouge pas de là, Damien. Nevik, on va s'écouter aussi tout à l'heure le son d'Avicii. Voilà, ça va arriver dans quelques minutes, ça. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, mais je me disais bien qu'il y avait la musique. Il y avait un problème. Il y avait la musique de la colle en même temps, je me dis putain, il est devenu mauvais le mot sur Avicii, c'est bizarre, mais bon, ça. Voilà, donc on écoutera Avicii, on aura aussi Clank Carousel. Histoire d'être à la cool un jeudi soir. Et puis je vous calerai aussi le son de Drake. Là aussi, on sera bien à la cool. Il y a un son que tu kiffes en particulier ou pas, toi, Nevik? Alors, moi c'est le nouveau son de Avicii là, Hey Brother là. Hey Brother, bah ça tombe bien, il va arriver dans moins de 5 minutes. Donc bah, reste avec nous. Et bah reste avec nous, on se mettra Drake aussi si vous avez des sons que vous avez envie d'entendre ce soir. Hashtag Mickaël sur le Twitter, n'hésitez pas, ou alors sur le Facebook, hein, facebook.com/Mickaël officiel. On va saluer Stéphanie qui est déjà là sur le Twitter. Moi je sais déjà que je suis pas que je ne suis pas plus intelligente qu'une ministre. Il y a Tanguy qui dit un pro dans l'espace. Ah ouais, c'est pas drôle. Ariel qui dit si Jean-Pierre Sauzère vient à Starfloor, je veux bien accompagner Polo. Il y a Dédé qui dit Toff est plus intelligent qu'une ministre uniquement pour dire des conneries. Et Let's Be Freaks qui dit les gens font des siestes avant l'émission, ça me tue. Mais non, mais c'est clair. Et Warren, salut, j'espère que l'équipe va bien ce soir. Faites-moi rigoler parce que ça ne va pas fort. Boy, qu'est-ce qui va pas, Warren? Mais oui, on est là. Et Tom qui dit salut l'équipe, amusez-nous. Et on n'est pas des bouffons non plus, hein, Tom. Hein, comme les bouffons du roi. Faites-moi rire, bouffon. Allez, faites-moi rire. Bon, on va parler avec toi, Devic. On va parler de quoi? Devic? Ouais. On va parler de quoi? De quoi? De moi? Bah oui, non, mais d'accord, ouais, bah, tu nous appelles pour parler de quoi? Non, non, pardon, oui, excusez-moi, je suis un peu. C'est rien, t'inquiète, ça arrive même au meilleur. C'est la fatigue. Mais oui, voilà. Ça, tu as trop dormi cet après-midi. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Une vanne à base de Village People ou pas? Non. Ah, dommage. Non. Je crois qu'elle était drôle. Oui, mais non. Épilez vos poils de cul. Voilà, ça tu peux faire. Bon, je vais y aller. Bon, alors du coup, on parle de quoi avec toi? Ouais, donc en fait, moi, j'ai une nana depuis 14 mois. Ouais, c'est bien déjà. Donc, non, mais attends. Non, c'est pas bien parce qu'en fait, il y a deux mois, elle m'a quitté. Ouais. Elle m'a repris en disant qu'elle pouvait pas vivre avec moi parce qu'en fait, il y avait beaucoup de disputes. Elle pouvait pas vivre sans moi, pardon. Et en fait, ben là, elle crisse toujours et elle dit qu'elle m'a repris par piqué. Moi, je sais pas comment agir. En fait, j'aimerais bien savoir. Donc, moi, elle dit qu'elle m'a repris par piqué, etc. Elle me fait des crises de nerfs et tout. Puis, je pense qu'en fait, elle m'a juste repris pour le sexe, en fait. Donc, genre, il se la ramène un peu quand même au passage, tu vois. Hop là, vite fait, il se la ramène un peu pour le cul. Non, mais. Bah, écoute, ce que je propose, oui, c'est vrai qu'on t'avait eu hier en fin d'émission. Bah, écoute, on va l'appeler dans quelques minutes. Ah ouais, génial. Bah ne bouge pas Nevic. Si vous aussi vous êtes déjà sorti avec des meufs un peu spé ou des mecs un peu spé, qu'est-ce qui s'est passé? Venez nous en parler. Ce soir c'est jeudi, donc canular également ce soir. Oh, c'est bon. Ah, il y a du lourd ce soir, je vous le dis. Et puis il y a du cadeau également avec l'écran plat Full HD à gagner dans le canular tout à l'heure, ou peut-être même dans le jeu de l'impro, on verra. Donc venez, appelez-nous, vous êtes les bienvenus, prenez le contrôle de Fun. On est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio et je vous l'avais promis. Hey brother, c'est le son d'Avicii qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Et bienvenue également à tous ceux qui sont ce soir sur le Facebook, le Twitter et qui nous ont rejoints. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux également à nous écouter. Hein, 589 000. Eh oui, on a reçu notre bulletin il y a deux jours. Et vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux. Merci beaucoup d'avoir fait passer le message auprès de vos amis, auprès de la famille, auprès de vos potes également. Et bien, grâce à vous, on est là tous les soirs et on sera là pendant un petit bout de temps, à mon avis. Donc, je compte sur vous pour passer le message encore et toujours à vos amis. Le son d'Avicii, ce sera Hey Brother sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Ce sera à Paris. Eh oui, Paris, Bercy, Starfloor. Ce sera samedi soir. J'aurai la chance, évidemment, de vous présenter le Starfloor aux côtés de Karima dans Love in Fun, qui sera avec moi. Donc, toute la soirée de samedi, on sera en direct sur Fun Radio, retransmis sur W9 aussi dès 23h30. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé. Et évidemment, sur funradio.fr. Il va falloir vous connecter. On sera là. Il y aura les photos, il y aura les vidéos en live. Ça va être la folie totale samedi soir. Si vous n'avez pas la chance d'avoir chopé vos places, eh ben voilà, faudra être connecté sur funradio.fr et écouter Fun Radio toute la soirée. Samedi soir, bien sûr. La suite, maintenant, avec le retour de Nevic, on aura Dimitri, bien entendu, Damien pour gagner le dernier PC portable, et puis on fera le jeu de l'impro dans quelques minutes, comme hier, hein, pour ceux qui étaient dans l'émission hier soir. En fin d'émission, on avait fait un jeu improvisé, comme ça, le jeu de l'impro. On va le refaire ce soir. Si vous voulez participer, appelez-moi maintenant au 01 42 48 5000 et on écoute le son d'Avicii tout de suite sur Fun Radio. Hey brother, bienvenue tout le monde. Hey brother. Il est 23h20, c'est Avicii sur Fun Radio avec Hey Brother. Et puis déjà, on vient à peine de commencer l'émission. Et déjà, le mot-clé le plus cité sur Twitter, c'est Hey Mickaël, juste derrière la nouvelle star. C'est beau. Ça va, on va pas quand même s'armer avec les bonnes choses. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, de plus en plus nombreux. Il y a Rémi qui dit numéro 1 des animateurs et radio et. Attends, c'est quoi? Numéro 1 des animateurs radio et Toff numéro 1 des gens qui veulent le tuer. Ouais, c'est pas faux, ouais. Il y a Cheyenne qui dit le jour où Mickaël nos limites s'arrêtent, la Terre s'arrêtera de tourner. Sérieux, vous êtes c'est les vrai. Meilleurs. Merci Cheyenne. Et ça y est, Roca qui dit bonsoir Mickaël, Toff, Sandro, Polo et les gens de Twitter également. N'oublie pas ceux de Facebook, ceux qui écrivent par mail, ceux qui sont standards, les auditeurs évidemment par SMS. SMS. Il y a Ludwig qui dit vous prenez de l'ampleur au Canada. Non, bah on va passer. Bah, bientôt numéro 1. Bah oui, et Julien également, il y a ce Kinkin qui dit Mickaël déjà en top tweet. Ouais, j'ai vu ça, merci beaucoup. Il y a Julien de Bourgogne qui dit ça fait longtemps qu'on l'a pas demandé à Valentin. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement c'est vrai. Ça faisait un petit bout le de temps pauvre. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'on a pu demander à Valentin. Tu peux aller faire foot, tu le demanderas à Valentin. Voilà, et il y a alors David qui dit je vous écoute depuis 2 mois et j'ai pas eu mon message de bienvenue. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah c'est peut-être ça le problème. Et Damien qui dit coucou Mickaël, tu m'as trop manqué là, je pense à toi toute la journée. Merci Damien, bah le principal c'est que tu sois là et que vous soyez tous là tous les soirs sur Fun Radio en direct. On va parler des Miss dans quelques minutes. On a toujours également notre grand jeu que nous allons faire ce soir. Le nouveau jeu que l'on fera, c'est le jeu de l'impro. Le principe est simple, on va donc accueillir deux auditeurs hein, ou auditrices, peu importe. Vous allez vous affronter et le but c'est de faire un match d'impro avec nous. Et on vous donne un thème avec 2-3 difficultés. Et quand on dit difficultés, c'est genre il faut imaginer. Le thème c'est à bord d'un avion et la difficulté c'est l'avion s'écrase. Ouais. Et pendant 2 minutes, il faut arriver à faire un match d'impro en fait, tout simplement. Et l'auditeur qui sera le meilleur repartira avec le cadeau. Mais ce n'est pas moi qui voterai pour le meilleur, ce seront les auditeurs, bien entendu, afin qu'il n'y ait pas de tricherie, bien entendu aussi. Donc, si vous voulez faire le match d'impro avec nous, le jeu de l'impro, c'est dans. Ah ben, on essaiera de faire ça avant minuit. Donc, vous nous appelez maintenant pour vous inscrire 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bon, Nevik. Oui. Est-ce que t'es bon en impro, toi? Je sais pas. J'aimerais bien tester, tiens, d'ailleurs. Ah, bah écoute, tu testeras. Alors, peut-être pas ce soir, on va voir, parce que je crois qu'il y a déjà quelques personnes inscrites. Mais de toute façon, on refera le jeu, nos malaises. Donc, t'auras l'occasion de réessayer. Tu disais, Nevik? Ouais, je peux faire un compliment à Toff. Mais évidemment, complimente-moi. Absolument pas. Flatte-moi. Toff, absolument pas. Tu as de très beaux kilos. Merci. Oh le compliment de merde. C'est un beau compliment ça, c'est pas mal. Non, bien. Il était bien. Non, mais non, vraiment je peux bien. Pas trouver mieux. Bah, t'as raison. Déjà t'as trouvé celui-là, c'est déjà miraculeux. Hein. Ouais, je pense. Ah bah ouais. Bon, Nevik. Ouais. Bon, ouais. Avant de prendre Dimitri dans quelques minutes là, qui voulait aussi. On va parler de quoi, Dimitri? Tiens, bonsoir à toi. Ouais, bonsoir, salut tout le monde. Ça va? Ouais, ça pourrait aller mieux, mais bon. Bon, qu'est-ce qui va pas? On va parler de quoi dans un instant avec toi aussi? Bah, en gros, en fait, c'est que depuis pratiquement un mois, je parle avec une fille, mais ça se passe super bien. Ouais. Et en fait, elle m'a. Ça sur Internet ou en vrai? Non, en vrai, par SMS. D'accord, ouais. Et tout. Et puis, en gros, elle m'a fait comprendre parfois comme quoi ce serait son petit copain idéal et tout. Et puis, finalement, quand je lui ai demandé de sortir avec moi, elle m'a dit comme quoi elle préférait rester amie, quoi. Ah, c'est ce qui s'appelle Ça s'appelle une garce. Non, ouais. C'est parce que t'as loupé la phase. Peut-être, ouais, parce que avec les filles, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elles sont là, elles font son nom de prince ouverte. Il faut leur mettre un doigt maintenant. Arrête de dire des vulgarités comme ça, c'est scandaleux. Non, il faut prendre la brèche. Voilà, quand elle est ouverte. Parce que sinon après, hop, ça se referme et c'est trop tard. C'est bien ce que Polo disait, il faut s'insérer. Ouais, c'est ça. Donc, Dimitri. Bon, on va en parler dans quelques minutes, reste avec nous. On va d'abord essayer de trouver une solution au problème de Nevik là. Bon, donc Nevik, toi tu voulais. Rappel pour ceux qui viennent de débarquer, Nevik de Tourcoing là. Ouais, alors, en fait, moi je suis avec ma nana depuis 14 mois. Ouais, jusque là, tout va bien. Ouais, il y a 2 mois elle m'a quitté parce qu'on se disputait trop. Elle disait qu'on était un peu trop différents. Ouais. Oui, c'est mais normal, tu es un homme, elle est une femme, vous êtes différent. Ouais, quand même. Et 2 semaines après, en fait, elle m'a repris, elle a dit qu'elle pouvait pas faire sans moi. Oh, c'est mignon. Je trouvais ça trop mignon, mais en fait, depuis, on n'arrête pas de se disputer, elle arrête pas de m'engueuler, elle essaye de faire genre sa femme de loi et tout, mais avec moi, ça marche plus tout ça, tu vois. Ouais. Et je me laisse plus faire. Mais elle comprend pas, tu vois. Elle continue, ouais. Ah, et oui, elle fait raison. Genre trop la maligne, tu vois. Et t'as raison. Elle se fout un peu de ma gueule. Bon, et tu veux qu'on l'appelle? Tu veux quoi? Tu veux qu'on la mette ou pas? Mais je pense que je veux lui poser un ultimatum direct, moi. Bah, il faut montrer à maman qu'il y a le patron, quoi. Ouais. Qui c'est qui porte la culotte dans le couple, c'est ça? Je vais lui montrer qui est-ce qui a la culotte. Bon, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire qu'il faut qu'elle se calme direct. Bah ouais, tu vas pas te laisser dicter par une meuf. Respecte la femme. Mais bien sûr, il faut respecter. Bah ouais, après trop de respect, tu vois, elle monte sur ses grands chevaux. Non, mais il faut d'avoir dosé, tu comprends rien toi. Toi t'es tout l'extrême, un peu comme moi. Un peu comme Polo, exactement, trop d'un côté et pas assez de l'autre. Exactement. Dose. Bon, écoute. Tu vas fermer ta grande gueule. C'était pour Polo. Nevik, on va l'appeler, comment elle s'appelle elle? Marion. Marion, bon écoute, on l'appelle. Enfin, tu lui parles, j'imagine, hein. Ouais. Bon, allez, c'est sinon, parti. Sinon, avec Polo, on peut lui mettre des doigts. Non, ça ira, Toff. Tu vas fermer ta grande gueule. C'était pour toi aussi. On y va, Nevik. Nous, on est derrière, ça donne un petit coup de main. Evic ? Ouais, ouais, je suis là. Non, très bien, j'ai eu peur au cas où. Ouais, j'espère qu'elle va répondre. Tête de bite. Ah, ça c'est pour toi, Fassi. Tête de bite. Eh ben, ça a pas l'air d'être gagné. Tête de bite. 07. Ah, non, merde, répondeur. Bon, Nevik, reste là, c'est pas grave. Ce que je te... Bon, écoute, on va rappeler encore un coup. Au cas où ça va pas, on mettra le son, on mettra un son. On va prendre Dimitri également et tu lui enverras un texto pour lui dire, écoute, décroche, je dois t'appeler. Ouais, ouais. Comme ça, numéro masqué. Je sais que ça pose des problèmes à tout le monde. Ouais, j'ai quoi, la grosse. Tête de bite. Ah, c'est une grosse en plus. Mais non. Parle-lui correctement, toi. Ça se trouve, elle va le mettre à l'amende, il va fermer sa gueule. 07. Ah, ben voilà. Bon, écoute, envoie-lui un texto, Nevy, qu'on le reprend juste après, ok? Ouais, ok, ouais. Tu lui dis que tu le rappelles dans 5 minutes, là, qu'elle décroche, que c'est toi, ok? Et vite. Ouais, ouais. Très bien. Ouais, bon, allez, bouge pas de là, Nevy. On va prendre donc Dimitri dans quelques minutes également. Et puis, ben, on va en profiter pour rappeler la colle, tiens, maintenant. T'es là toujours, Damien? Toujours là. C'est parti, répète un coup la colle. Je suis un mot de 9 lettres, dont une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant, je suis juste sous votre nez. Qui suis-je ? Voilà, je suis un mot de 9 lettres dont une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant, je suis juste sous votre nez. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et on proposait un magot. Non. Non, une crotte de nez. Non. Une enveloppe. Non. Des lunettes. Non. Non, ou encore un téléphone. Non. Bon, très bien. Bon, vous pouvez aussi les répondre sur le Facebook, hein, si vous voulez. Hein. Facebook.com/MIKL officiel. Donc, je répète, je suis un mot de 9 lettres dont une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant, je suis juste sous votre nez. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et donc, Facebook.com/MIKL officiel également pour venir jouer avec nous. Et si avant minuit 30, personne ne trouve la bonne réponse, eh bien, c'est Damien qui repartira avec le PC portable. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il les tire au sort et qu'on prend l'antenne et qu'il décroche, eh ben c'est lui qui gagne et Damien tu repartiras la queue entre les jambes. Y'a pas une télé avec à la base. Ah non, y'a pas la télé. La télé ou le PC. Ouais, c'est le PC ou la télé, hein. Pas abusé non plus Damien. Et puis t'emballes pas. Ah non, moi je voulais juste la télé si ça marche. Hein. Et puis bah écoute, on verra après, je sais pas s'il en reste parce qu'il est prévu pour le canular. Écoute, on va voir Damien. De toute façon, t'emballes pas déjà, on va voir si tu gagnes. Hein. Parce que l'autre il fait ses courses, il a pas de carte de crédit, tu vois. Ouais. Ah, je vais prendre ça. Ouais, mais tu payes comment? Sûr, je prends un Paxson. Ah bah oui, non, ça par contre, c'est pas un problème, Damien. Bon, reste avec nous, Damien. Les autres, vous jouez, n'hésitez pas. Et puis on va également. Ah oui, on parlait d'être plus intelligent qu'une miss. Ah, oui. Si vous étiez là au début d'émission, je viens de tomber sur un article qui explique que l'intelligence des femmes est liée à la taille de leurs fesses. Oh, c'est bon ça. Paraît-il. Quelle intelligence. Donc, plus vous avez un cuir bondi, plus vous avez de chances d'être intelligente. Ah, dis donc. Donc Sandro est très futé visiblement. Ah bah attends, c'est la plus intelligente de l'équipe là. Ah bah oui. Ouais. Donc avant de faire le quiz des Miss, Toff sera obligé de faire un petit chiffre et les lettres. Bien sûr, bah obligatoirement. Évidemment, mais pour une fois, ce sera scientifique. Mais ça l'est toujours. Bah oui, mais là encore un peu plus. D'ailleurs, tu peux peut-être éventuellement appeler des gens pour leur demander, non? Bah oui. Est-ce que votre femme a un gros cul? Par exemple. Mais je pense qu'ils vont aimer. Bah ce sera l'appel de ce soir. On fera ça dans quelques minutes. Si vous avez des numéros à nous transmettre, hein, des numéros de gens encore debout à Storcy pour qu'on perde pas trop de temps. Et de femmes avec des gros culs. Et des femmes avec des gros culs éventuellement. De gens qui peuvent un peu s'énerver aussi rapidement. Vous envoyez des numéros de téléphone. De ces gens-là justement sur le mail de Toff toph@funradio.fr. On aura le canular aussi dans pas longtemps sur Fun Radio. Si vous voulez participer, bah, vous nous appelez également. Et puis je vous l'avais promis, on s'écoute maintenant le son de Clang Carousel Son and Tan sur Fun Radio. Il est 23h30, bienvenue sur Fun. Carousel sur Fun Radio, il est 11h30, on est toujours en direct sur Fun évidemment, toujours en top tweet, hein, clé le plus cité, et oui, avec Rihanna, avec qu'est-ce qu'il y a, Booba également, Chris Brown, Adidas, et bah il y a un nouveau milieu, et il y a même Original, et ça je pense que c'est un deuxième tweet pour nous, et ça c'est beau. C'est pour toi, Mickaël. Totalement, merci beaucoup. Bon, allez-y, continuez à venir nous ajouter hein, sur le Twitter si vous voulez, si vous me suivez sur Twitter, je vous suivrai également, il suffit d'ajouter MIKL_officiel, le under underscore, c'est le petit tiret en bas. Donc vous tapez Mickaël underscore officiel. Il y a le prince Nadia qui dit sérieux, plus on a des fesses rebondies, plus on est intelligente. C'est une très bonne nouvelle. Mes excuses aux fesses plates. Stéphanie qui dit merde, j'ai pas de fesses, dommage. Laetitia qui dit je suis un génie alors. Et Angelina qui dit Polo son pipeau et sa petite voix de PD. Ça lui avait fait tellement plaisir au message d'hier. Et alors j'adore. Warren qui dit la base d'un couple c'est la confiance. Ou encore Dédé qui dit entre les mecs et les filles doit y avoir un feeling. Sinon le couple ne marchera jamais. Ça c'est une certitude. Ah oui. On va récupérer Neivik dans quelques minutes. On va prendre Stéphanie. Stéphanie tiens pour se faire un petit match d'impro dans quelques minutes. Bon. Et puis Damien avec la colle. Bon, avant ça on fait le premier appel maintenant avec Toff. Allons-y. Puisqu'on s'était rendu compte justement sur cette grande enquête qui a été faite à l'université d'Oxford. Oui, c'est attention. Ça, c'est pas n'importe qui. Ah non, c'est pas n'importe qui apparemment donc dit que on peut mesurer l'intelligence des filles en fonction de la taille de leurs fesses. Plus elles ont un fessier large, plus elles seraient intelligentes, plus leur QI serait élevé. C'est pour compenser peut-être. C'est peut-être pour compenser, je ne sais pas. Donc du coup, je propose qu'on appelle le premier maintenant afin de voir, puisqu'on va appeler des gens toute la soirée, mais afin de voir si ils ont des grosses fesses ou pas, et donc fatalement s'ils sont oui ou non intelligents ou intelligentes. On y va, c'est parti, premier appel maintenant. Allez. Allô, j'écoute. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez un gros cul. Oh, saleté, va. Oh, saleté, va. Oh, elle était mignonne. On va la rappeler un petit coup quand même. Oui, elle a l'air gentille. Allez. Oh, saleté, va. Commissariat du deuxième, j'écoute. Oui, bonsoir monsieur. J'étais au téléphone avec votre femme, mais on a été coupé. Vous êtes qui ? Il n'y a pas de femme ici, qu'est-ce que vous me téléphonez là ? Ben en fait, je voulais savoir si votre femme, elle avait un gros cul, monsieur. Ben, moi, par contre, j'ai le gros chemise pour te mettre dans la bouche, gros con. T'as compris ? Et j'enregistre ton numéro, je vais te retrouver, tu vas comprendre ta douleur. Allez, connard. Oh, il était bon, lui. Gendarmerie à cheval, bonjour. Et puis, on a cru, hein. Oh, il m'a tué. Alors on a cru qu'on était directement au commissariat, ça c'est bon. Bon, on appellera d'autres. Si vous avez encore des numéros, allez-y, vous balancez ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Si vous avez des numéros de gens debout assez tard pour qu'on puisse les appeler, surtout s'ils sont un petit peu du style à s'énerver rapidement. Neivik. Ouais. Bon, on va appeler la copine maintenant là. Ouais, on va essayer de la rappeler. J'espère que ça va décrocher, hein. Bon, ouais. Neivik, on y va. Donc t'es sorti avec elle pendant 12 mois, ça a cassé 14. Depuis 2 mois. Bah ouais. 14, mais ça a cassé. Ouais, ouais. Ça a cassé pendant 2 mois, c'est ça ? Ouais, t'as bien retenu. Ouais, t'as vu comment il est fort, Mickaël. Bah oui. Et donc du coup, tu veux. Donc vous êtes retournés ensemble, sauf que maintenant elle te fait la misère, donc tu veux lui expliquer que c'est pas la fête tous les jours, quoi. Ouais, que ouais, c'est. Voilà quoi, c'est pas possible de continuer comme ça. Très bien. Bon, on y va. Faut que tu lui rappelles qui c'est le patron. Bah oui, Neivik, on y va. Tu lui as envoyé un texto ? Ouais. Ok. Pourquoi t'appelles en masqué ? Je veux pas te parler, Neivik. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a de fortes chances. Bon, et ben voilà, Neivik. Merci d'avoir appelé, hein. C'était trop sympa. On s'est bien marré, hein. Les recettes. Ah ben voilà, putain, on s'est bien éclaté. Oh hein. Tu vas rester dans les annales, hein. C'est le meilleur. Mais que dans les annales de Toff, hein. Ouais, oh, mieux que Gilou. Ah ouais. Je propose à la place qu'on emmerde Toff. Oui, c'est une bonne idée, ça, tiens. Il peut prendre un coup de pelle dans la gueule ou même encore une claque. Le coup de pelle, je suis sûr et certain de déjà l'avoir entendu dans un jeu ou quoi. Vous l'avez repris d'un jeu. Non, c'est un coup de pelle. On l'a pas repris d'un jeu, c'est une pelle. Ah ouais, non. Mais oui, c'est un coup de pelle. J'ai déjà entendu le même. Non. Il y a d'ailleurs la photo de l'appel. J'ai l'appel et vous pouvez la voir sur le Facebook. Alors c'est vrai que je l'ai posté il y a quelques semaines, pour pas dire un bon mois et demi, à mon avis. Mais vous pouvez aller la voir si vous fouillez un peu. Dans les photos, tu le trouves facilement. Ouais, dans les photos. Faut aller voir dans les photos. Bon, Neivik, écoute, suivez, on peut retenter dimanche. On est là de 20h à minuit, donc on peut peut-être l'appeler plus tôt. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être qu'elle dort, la pauvre. On fait comme ça, Neivik. Ouais. Et par contre, il y a un truc. Tu dis à tous les auditeurs, est-ce que vous êtes intelligente ou pas ? Mais tu l'as pas demandé à Sandro, ça. Ah si, on lui a dit qu'elle était très très très intelligente, vu la tête. Très intelligente. Oui, comme ça. D'accord. Mais je vais te passer, tu vas voir, tu vas pouvoir discuter avec elle, tu vas voir qu'elle est très intelligente. Non, ça va. Ah bon, d'accord, ok. Bon, Neivik, à dimanche. Ouais, à dimanche. Et oublie pas Starfloor, samedi soir, 20h. Ah ouais, mais moi je suis tout le temps, moi, fun. Bon, c'est parfait alors. Impeccable, Neivik. Alors, à dimanche soir. Et mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapeau. soyez fous de me crever les orteils. Jean-Pierre Sauzère, il est là, il est là, en direct. Comment ça va, JP? Très bien. Eh ben tant mieux. Alors Jean-Pierre Sauzère, nous avait. Ah, écoute Jean-Pierre, j'ai un problème. Oui. Il y a un auditeur qui est venu m'emmerder sur le Facebook, ouais, en me disant ouais, de toute façon vous faites du réchauffé. Jean-Pierre Sauzère, c'était déjà à l'époque avec Max sur Fun. Alors j'ai jamais dit le contraire. Hein. Je l'ai même déjà dit plusieurs fois même. Mais par contre, il me dit que même la chanson Jean-Pierre in Wonderland, ce serait aussi un vieux morceau. Mais c'est toi qui a dit que c'était un nouveau quand même. C'est-à-dire pas ancienne, mais on l'avait mis dans un tiroir, tu vois, on l'a refait. Ah d'accord, c'est une réédition, c'est remasterisé. Ouais, voilà. Ouais. Ok, d'accord. C'est une ressortie. Ouais, très bien. Dis donc, t'es où? T'es dans l'espace? Oui, dans l'espace-temps, là. Dans l'espace-temps. Il en a AM. Sur la M, oui, c'est ça. Non, mais bon, alors Jean-Pierre, écoute, bon, je t'ai eu au téléphone tout à l'heure, parce que tu voulais être sur la scène du Starfloor. Bah ouais, mais bon, il est trop tard. Bah oui, c'est trop tard, t'aurais dû me prévenir plus tôt, Jean-Pierre. Tu m'aurais appelé plus tôt, on aurait pu négocier quelque chose, mais la scène, elle est bouclée. Hein. Ouais, parce que Michael, il s'est battu. L'année prochaine, ouais. Bah voilà, très bien, on fera ça en version travaux. Voilà, mais de toute façon, d'ici là, je vais percer, j'ai un producteur. Bah oui, exactement, parce que alors là, justement, donc t'as un producteur l'année prochaine, c'est ça, hein? Bah, il est déjà venu me voir chez moi, donc maintenant. Bah, c'est parfait. Jean-Pierre, tu penses quoi de rentrer avec un char tiré, tu sais, comme dans la Rome ancienne, un char avec des chevaux? Bénure. Voilà, comme Bénure, tu vas rentrer dans Bercy, comme ça, avec des explosions. Ce serait bien, hein. Comme Bénil, ouais, plutôt, non? Ce serait bien. Ouais. Bon, en tout cas, sache que les auditeurs de Fun adorent ta chanson. On l'a déjà mise plusieurs fois, là, depuis que t'es passé avant-hier. Ouais. Oui. Et on va encore la remettre et tout, on l'a mis à nous. Hein. Ouais. Elle est programmée, même la journée et tout. Ah, ça, je sais pas encore. Hein. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, Jean-Pierre. Okay. Mais déjà, on la passe le soir, c'est bien déjà, non? Ah oui, c'est bien. Ah bah voilà, très bien. Allez hop, on sort le refrain, là, on va mettre en route tout à l'heure. Au pays des merveilles, le chapelier fou, je me croque mes orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut manger ma merveille. Ah, tu vois, on connaît les paroles en plus, Jean-Pierre. Ah, oui, mais c'est bien, mais c'est une chanson qui est facile à chanter. Ah bah oui, bien sûr. Bah, très bien. Cet été, je faisais un barbecue dehors. Là, ouais. Un barbecue. Et les jeunes, il a chanté, il se marrait donc. Ah bah j'imagine. Bon bah JP, on reprend des nouvelles la semaine prochaine, d'accord? Ouais, ou dimanche si tu veux. Ah bah dimanche si tu veux, bah très bien JP. Bah hein, merci beaucoup, passe un bon week-end JP. Et puis on revient dans un instant avec Drake. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, Limit, tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 23h46, en direct dans toute la France, avec un message qui est arrivé d'ailleurs. T'as aussi celui-là. Il y a Louis qui dit, grâce à toi Mickaël, la France peut viser le podium de l'Eurovision grâce à Jean-Pierre Sauzère. Ah bah oui. Ah putain, l'Eurovision, mec. Mais voilà, c'est là qu'il faut l'envoyer. Il faut qu'on s'arrange absolument, ça va être énormissime. Jean-Pierre Sauzère à l'Eurovision, t'imagines? C'est dingue. Qui va représenter la France? Ah là, on sera bien. France représentée par Jean-Pierre Sauzère, ça peut être énorme. Ah oui, on va se taper une bonne barre de rire. Il y a de fortes chances, mais c'est ça le principal. Il est 23h47, on va se faire le jeu de l'impro. Je vais y arriver, moi, je retiens pas ce temps. Le jeu de l'impro va arriver, on va faire le canular également dans quelques minutes. Jeu de l'impro, on avait improvisé ça hier soir, justement, c'est le cas de le dire, pour filer des cadeaux. Donc le but, c'est que on va donner un thème avec une, deux, trois difficultés, on verra. Et le but, c'est entre auditeurs et nous de faire un match d'impro. Celui qui s'en sort le mieux, c'est les auditeurs qui voteront sur le Twitter, les SMS notamment, hein, eh bien repartira, puisqu'il n'y en aura qu'un seul, avec le cadeau. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous appelez Sandro maintenant, 02 851 4x0 pour la Belgique et 01 42 48 5000. On écoute le son de Drake maintenant sur Fun Radio avec Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Le son de Drake sur Fun Radio. Bienvenue si vous voulez débarquer, on est ensemble tous les soirs sur Fun Radio, 23h-2h, hein, ça se passe du lundi au jeudi et tous les dimanches soirs de 20h à minuit. D'ailleurs, attention, dimanche soir, on vous offrira votre PlayStation 4. Ça va pas être lourd, comment vous expliquer que ce sera du surlourd. C'est au-delà du lourd, gros. Ah, je te le dis, ouais, c'est au-delà du lourd. Bon, on aura les teubés de la télé qui vont débarquer dans quelques minutes. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est la nuit sans pub. On est tranquille, on est pépère. Et puis les beaux poils de cul. Et bah, c'est ce que Tom va faire aussi dans quelques instants. Et puis ah bon, bah, nous, on est pilé. Bah, peut-être. Plus de pub cool. En tout cas, jusqu'à la fin de l'émission. Il y a putain de génie qui dit comment je m'ennuierais sans vous et vos conneries. Là, je vous kiffe. Bah, merci. Il faut faire passer le message aux autres aussi, hein, qu'on est là tous les soirs. Il y en a plein qui sont pas encore au courant. Il y a Greg qui dit je vous propose le bavardage pour la colle. Bah, justement, tu vas faire un tour du côté de la colle avec Damien. Toujours là, Damien? Ouais, toujours là. Ouais, très bien. Alors, vas-y, fais péter la colle. Je suis un mot de 9 lettres. Ouais. Une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant, je suis juste sous votre nez. Qui suis-je? Très bien. Le sexe de Toff. On proposait là, pour la colle, c'est le squelette de Bruno. Non. Très bien. Alors, on proposait la moustache. Ah, oui, sous le nez, c'est pas mal. Oui, sous le nez, c'est pas mal, ouais. Il n'y a pas 3 fois la même lettre. Ah, non. Ça s'appelle une molécule. Non. Une narine. Ah ouais, sous le nez, il y a trois froids. Non, c'est pas ça. La réponse, c'est une devinette. Non. Non, les muqueuses. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y, on donne la réponse dans une bonne demi-heure maintenant. Vous envoyez M-I-K-L, donc les quatre lettres M-I-K-L, espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi, bien sûr, comme ça vous allez voir la colle directement sous votre nez, c'est le cas de le dire, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Bah, n'hésitez pas à prévenir tout le monde. Rejoignez-nous sur le Facebook, on est de plus en plus nombreux grâce à vous tous les soirs. Damien, on te récupère avant minuit 30, puisque bah, à minuit 30, on sélectionnera quelqu'un au hasard. Si la réponse est bonne, c'est gagné. Okay. Tu perds. Si la réponse est mauvaise, voilà. Non, oui, ça il y a des risques. Si la réponse est mauvaise, donc de l'auditeur qu'on appelle, tu gagnes. D'accord? Ça marche. Allez, à tout à l'heure, Damien. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et avant de prendre Stéphane et Stéphanie là pour le match d'impro, vous êtes là tous les deux? Ouais, salut. Ouais. Comment ça va? Bien, et vous? Eh ben tranquille. Stéphane, 22 ans de Paris. Stéphanie, 20 ans de Vitry. C'est ça, Stéphanie? Stéphanie! Reviens, Stéphanie! Stéphanie! Non, c'est Stéphane, te fous pas de ma gueule, Stéphane. Oui? Ah, Stéphanie, elle est là. Ah, bah quand même, très bien. Bah, t'étais où, Stéphanie? Bah, je suis aux toilettes. Bah, non, en fait, j'avais juste mis. Enfin, j'avais coupé le micro, quoi, mais sinon, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Est-ce que je peux vérifier si Stéphanie est intelligente? Bah. Oui, parce que je rappelle. Non, pas trop. Parce que non, mais je rappelle que nous sommes tombés sur une étude d'Oxford, attention, de l'université d'Oxford, qui dit donc que les filles qui ont un gros fessier sont plus intelligentes que les autres. Donc, vérification ce soir, c'est évidemment c'est médical. Hein. Oui, alors voilà. Donc Stéphanie, combien mesures-tu? De quoi? De taille? Oui, en centimètres. Je suis 1m70. Combien pèses-tu en kilos? Ça se demande pas. Bah, c'est médical. C'est médical, c'est Oxford, c'est pour voir si tu es intelligent. C'est la science, voilà. Vous savez, c'est la science. C'est scientifique. Non, mais non, je vous dirai pas. Oh, Stéphanie. Bon, bah dis-nous si t'as un gros cul ou pas. Ouais, voilà, c'est ça, t'as un gros cul ou pas? Oui, j'ai un gros cul, mais je suis pas intelligente. Voilà. Voilà, bah alors, ce sera l'exception qui confirme la règle. On est pareil, Stéphanie, t'inquiète. Hein. Ouais, ouais, bah oui, non, bah c'est ça. Hein. Bon, bah du coup, Stéphanie, nous sommes très déçus, surtout Toff. Oui. Très, très, très déçus, mais c'est comme ça. C'est la première fois, hein. C'est la première fois qu'une fille refuse de donner des informations. Alors que dans l'absolu, t'invente, Toff le saura jamais. Bah oui. Bon, après. Bon, Stéphanie, oui, Stéphane, le match d'impro, on va faire ça dans quelques minutes. Vous connaissez le principe d'un match d'impro? Ouais, c'est le même truc qu'hier, c'est ça? Il faut improviser. Ouais, voilà, hier c'était sur le cul, ce soir ce sera pas forcément sur le cul, évidemment. Donc, on va vous donner un thème, il va falloir improviser. Bien sûr, nous, on va débarquer en plein milieu pour foutre un peu la merde. Vous allez avoir, je sais pas encore si on va faire 2 minutes ou 3 minutes, ou je sais pas, on va voir. Et donc après, les auditeurs devront écouter et voteront pour l'un ou pour l'autre. Voilà, donc okay. Stéphane ou Stéphanie. Et puis, en fonction du vote des auditeurs, l'un ou l'autre partira avec le cadeau. D'accord? Ça marche. Bon, d'accord. Concentrez-vous. On va d'abord prendre Dimitri pour savoir de quoi on va parler avec lui. Dimitri, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, très bien. Sois le bienvenu, Dimitri. Qu'est-ce qui t'amène, toi? Réexplique-nous pour ceux qui viennent de débarquer. C'est une bonne idée. Bah, en fait, depuis un mois, je parle avec une fille en IRL, par SMS et tout, par appel, quoi. Ouais. Et puis, elle m'a fait comprendre plusieurs fois par SMS, appel et autres, comme quoi je serais son petit copain idéal et tout. Bah, elle m'a dit plein de trucs. Que quoi. Tu étais l'homme parfait. Oui, l'homme parfait, voilà, le mec idéal, fait, bref, la grande classe. Voilà, tout à fait. Et puis, moi, comme un teubé, c'est cru. Et puis, au moment où je lui ai demandé quoi, de sortir avec moi, et finalement, elle m'a dit la phrase mythique. Non, je préfère qu'on reste amis, quoi. Donc, Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc, la loose. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Exactement. Ah oui, ben ça, c'est ce qu'on appelle. Allez vous faire enculer profondément. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle a voulu te dire de manière un peu polie. Ouais. Non? Voilà, mais le pire, en fait, c'est qu'elle continue à me parler, en fait. Tu vois, c'est... Ah ouais, elle te... mais tu es son amie. Ouais, ouais, bah... fille, en fait. Mais ça, c'est parce que t'as trop traîné, pardon. Ouais. Ça, au moment où tu la draguais, ça se passait bien. Et puis, il y a un moment, elle attendait, il y avait une ouverture. Ouais. Et paf, elle l'a refermée, t'as trop traîné, maintenant c'est trop tard. T'as fait le bouffon. C'est ça, c'est comme l'huître, hein, c'est ou la moule. Si t'y vas pas tout de suite, après c'est mort. Merci Toff pour cette. Bravo Toff. J'ai oublié mon mot. Je me désolidarise. Ouais, bah voilà, tiens, hop. Ah ouais, là, ouais. Quoi, épilez vos poils de cul. Voilà, c'est ce que vous aimez mieux de faire encore. Bon, Dimitri, on va demander aux auditeurs déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement d'essayer de sortir avec un mec ou avec une fille, et puis vous avez tellement traîné que finalement c'était devenu platonique, donc amical, voilà, il n'y avait rien d'autre à faire malheureusement. Moi, souvent, c'était comme ça m'arrive. Sans déconner. Ouais, parce que je vois pas les signaux des filles. Parce que d'après elles ont toujours... Oui, il y a des signaux. Mais oui, il y a des signaux, mais quand évidemment. Tu penses qu'il y a... Ce qui est drôle, c'est de dire... Ah, il y a le signal, j'y vais. Elle fait, mais ça va pas ou quoi? Ben oui, pour qui tu m'as pris? Il y a des potes, il y a une meuf. Non, on est amis, ouais. Mais on est amis. Mais j'ai... Et puis toi, tu dis... Là, tu sais plus quoi faire, quoi. Voilà, c'est ça. Et les donc... mecs, de plus en plus aussi, sont comme ça. Ah ouais, mais oui, mais bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on essaie de faire comme vous. Bah oui, ah c'est-à-dire qu'il y a tellement de... C'est-à-dire que les filles, c'est tellement compliqué parce que c'est... Ouais. Nous, on voit un truc, on se dit, oh, c'est ouvert. C'est ouvert. Sauf que pas du tout, en fait. Tu vois, la barrière, elle est bien fermée, le truc. C'est rouge, ça clignote, sauf que nous, on voit ça vert et ouvert, tu vois. Donc, moi, j'ai une autre technique, essaye à tous les coups, après tu verras bien. Oui, après, au pire, voilà, c'est ça, au pire, tu... Non, tu mais attends, le pire ouais. C'est qu'en fait, elle continue à m'envoyer tes signaux, en fait. Même si je suis son ami, elle continue à m'envoyer tes signaux. Bah écoute, qu'est-ce qu'elle t'envoie comme signaux? C'est une lumière rouge violente. Ouais, attends, parce que c'est quoi les signaux qu'elle t'envoie? Parce que ça se trouve, on va peut-être les voir totalement différemment de toi. Hein. Ouais. Non, en fait, bah, c'est tout le temps le même truc. Les filles qui te recettent, c'est que t'es idiote, elles ont loupé un truc avec toi et tout. Moi, je t'aurais pas... Enfin, avant, elle m'avait dit, moi, je t'aurais pas hosté, mais alors qu'elle me l'a fait quand même, quoi. Et puis, oui, c'est ça, mais oui. Mais attends, mais elle s'appelle comment, la meuf? Mélissa. Mélissa, tu veux pas qu'on l'appelle? Bah non, actuellement elle est en train de dormir déjà. Mais justement, on la réveille, bah tu sais bien, on va pas foutre la merde, nous on est non, cool. En plus elle partage sa chambre avec sa sœur, donc c'est... Et alors, moi je m'occupe de la sœur pendant que tu t'occupes. Oh, ouais, c'est ça, non, on n'est pas des enculés, tu nous connais quand même. Oh, bah oui, trop même. Bah oui, attends, tu nous connais, on est des mecs bien. La famille. On arrive vers elle et directement en musique. Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelet fou veut me croquer. Attention, je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc veut me croquer mes orteils. Tu vois, on arrive avec ça, je pense qu'elle ne peut que craquer, non? Bah oui. Bah bien sûr. Non, attends, direct là, elle court de chez elle chez toi. Ah bah oui. Te mettre une baffe. Au moins en plus tu seras fixé. Ah complètement, ouais. Complètement. Enfin, tu vois, t'es au moins... déjà fixé parce qu'elle t'a déjà jeté, hein. Entre oui. Parenthèses. Effectivement, oui. Ouais. Effectivement. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Bah oui, non mais c'est vrai en plus. Bon, dites-nous si vous vous êtes déjà fait jeter justement en ayant dragué une fille ou un mec. Est-ce que ça s'est bien passé et puis comme Dimitri, bah vous l'avez dégagé. Ou alors s'il y a une fille qui peut enfin venir nous expliquer. Quels sont les signaux pour qu'on comprenne quelque chose? Parce qu'on est des mecs, on est un peu cons. Faut quand même c'est vrai que vous voyez rien des fois. Hein, voilà, c'est chaud, ça. On est un peu cons, on est un peu aveugles. On vous tend des perches de malade quand même. Voilà, cons et aveugles. Donc venez nous expliquer un petit peu. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Moi j'ai cru que c'était toujours les mecs qui tendaient la perche. Merci Toff. ça ira. Bon, en fait, alors. Je te pose une question. Bah écoute, vas-y, puisque t'es là, Dimitri, on est tranquille. Pourquoi hier soir quand il y a eu Zilou, pourquoi toi t'es, elle est pas venue? Ah oui, c'est vrai, toi, en fait, t'es pas venu hier soir. Ouais. Bon, écoute, elle peut pas être là tous les soirs, après. C'est ça, la pauvre, elle a une vie aussi. Hein. Okay, elle travaille au bois, elle peut pas, faut qu'elle gagne sa vie. Bah oui, oui, évidemment, elle peut pas être là tout le temps. Ouais. Bon, écoute, Dimitri, reste avec nous, on va demander l'avis des auditeurs maintenant. Donc, vous nous appelez maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et puis, on va, dans quelques minutes, se faire également encore du son. On va se faire l'impro avec Stéphanie, avec Stéphane. On va se remettre un petit coup de la colle dans quelques instants. Et puis, on va parler des teubés de la télé maintenant, là, ça me paraît important. Ah là, hein. Oui. Et pour une fois qu'on fait ça minuit pile. Bravo. Wow. Et quand même à le préciser, quand même. Hein. Pour une fois qu'on n'est pas à la bourre. Bon, enfin, techniquement. On est censé faire ça à minuit. Bon, c'est vrai que c'est plutôt entre minuit et minuit 30. Et voilà. Mais c'est rien. Mais non, c'est pas grave. C'est mais vrai. Précisons-le. Voilà. Bon, dans sans aucun doute, là, ils ont un mec là qui raconte sa life complètement. Mais dites-moi si vous comprenez ce qu'il dit, parce qu'on l'a regardé plusieurs fois et enfin, c'est pas clair, quoi. Ouais, j'ai appelé plusieurs fois, même j'ai vu 2-3 fois elle. J'ai dit bon, on va commencer le travail. Mais évidemment, elle est restée 5-6 mois. Elle est pas contente. Elle a fait beaucoup de temps 5-6 mois. Après, il me dit qu'on voit aussi qu'il est pas fait. C'est pas ma faute. C'est elle qui fait. Si elle me laissait tomber, elle cherchait ailleurs aussi. Ouais. On a pu prendre entre nous, elle n'aimait pas payer. J'ai dit bon, mais je vais verser tout doucement jusqu'à ce que j'ai fini tous les chantiers. Oh, et là, après le dernier, maman, elle me laissait tomber, elle s'est dit, s'en fout de moi. C'est très clair. Ah oui, c'est très clair. Oh l'enfer. Ah, c'est trop. Très très clair. Très très clair. Bon, on l'a bien compris. Je vais pas vous le remettre. T'as compris quelque chose, toi, Dimitri, ou pas? Alors que là-dedans. Ah non, mais ça me rassure alors. Très bien. Bon, et puis n'en touche pas à mon poste. Il y a Cyril Hanouna qui essaie d'offrir des voyages au Brésil. Sauf qu'il est tombé sur sur un ami de Toff. Oui. Ah bah ça démarre très mal, hein. Ah oui. C'est qui? Ah, je sais pas. C'est qui vous? Vous êtes en direct à la télévision sur D8. C'est Cyril Hanouna. Comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie, au revoir. Ah, il aurait pu répondre ça. Épilez vos poils de cul. Ouais. Il vous fait enculer profondément. Voilà, tu vois, ça, tout ça, ça aurait pu dire. Il l'a pas dit, donc il a quand même été plutôt bien à ce niveau-là. Bon, on se met le son de. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, il y a Zed, il y a Jason Derulo, Katy Perry, le nouveau Nicky Romero. Tu vois, on va se mettre celui-là, Nicky Romero, le nouveau là. Hein? Parfait. Ouais, on parfait. On se fait parfait, ça tout de suite. Exactement, c'est Legacy sur Fun Radio. Juste après, il y aura le canular, le match d'impro. Et puis, bah, vous toutes et vous tous, en direct, vous êtes les bienvenus sur Fun Radio. De 23h à 2h du matin, on est en direct du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. Avec passer le message également à vos potes. Dès dimanche soir, on vous offre votre PlayStation 4 sur Fun Radio. Eh oui, rien que ça. Bienvenue, bonne nuit tout le monde. Mickaël No Limite, on est là jusqu'à 2h grâce à vous et avec vous. Nouveau King, Nicky Romero, l'instant avec Crewella, c'était Legacy, Crewella qui sera d'ailleurs avec nous samedi soir pour l'événement de la fin de l'année, c'est Starfloor sur Fun Radio en direct de Paris-Bercy dès 20h, soyez je serai bien dans l'horloge. Ouais, bah oui, soyez bien là dès 20h justement, hein, et moi je serai avec Crewella. Tranquillement, je leur montrerai, je leur ferai visiter quoi. D'accord. Visiter Bercy. Mais je peux le faire si tu veux. Bah écoute, je te laisse le mec. Non, mais... Non, mais elles sont deux... Un chacun, enfin une chacun. Non, vraiment je te laisse le mec, vraiment ça me fait plaisir. Ah ouais, t'es... Ah ouais, avec plaisir, non vraiment ça j'insiste. C'est trop sympa. Bon, avant de faire l'impro, Stéphane et Stéphanie, vous avez bien encore 5 minutes? Ouais, y a pas de souci. Bon, ouais. Stéphanie aussi, très bien, ça vous donnera comme ça un petit peu de temps pour vous préparer psychologiquement. On va faire, je peux déjà donner le thème ou alors non? Bah non, sinon ça va trop préparer. Non, tu peux donner déjà un le indice. Thème et pas la difficulté. Non, moi je donnerais d'abord la difficulté mais pas encore le thème. D'abord la difficulté mais pas encore le thème. Ok, alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme difficulté? Attends, parce qu'il faut que je réfléchisse aussi, hein. Prisonnier. D'accord. Voilà, ça c'est la difficulté. Okay. Je vous donne pas le thème, mais c'est la première difficulté. Prisonnier, d'accord? Ouais. Okay. Et voilà. Je rajoute cacahuète. Match d'impro dans quelques minutes. Match d'impro dans quelques minutes avec Stéphane, avec Stéphanie. Il faudra que vous écoutiez l'émission évidemment, puisque bah, vous allez devoir voter pour savoir lequel des deux est le meilleur, Stéphane ou Stéphanie. J'attendrai ça avec notamment le hashtag et Mickaël. D'ailleurs, je voulais vous signaler que nous ne sommes plus du tout en top tweet, puisque les auditeurs ont décidé d'enlever et Mickaël et de mettre et Mickaël et ses drôles de cochonnes en top tweet. Et nous sommes archi leader du top tweet avec cette connerie. C'est fou, ça. Donc je sais pas qui a lancé ça, mais ça m'a fait rire. Donc voilà, Mickaël et ses drôles de cochonnes, hein, qui sont donc en top tweet devant Rihanna, devant Booba et devant Nouvelle Star, devant Tellement Vrai, devant tout en fait, tout c'est simplement dingue. Bon, allez-y, venez nous rejoindre sur le Twitter, sur le Facebook, et puis on va se faire le canular. Je vous en parle depuis tout à l'heure là. On va accueillir Ruben qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Ruben. Bonsoir Mickaël, comment tu vas? Hey, ça va bien et toi? Tranquille, la forme, hein, on est en train de vous écouter, vous motivez. Ah, très très bien, mais rassure-toi, nous sommes là, bien entendu, en pleine forme, grâce notamment. Est-ce que t'as écouté l'émission d'hier soir déjà? Mais la base. Ah, la base, très bien, donc tu connais, et évidemment, c'est le grand star qui est... Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Oui, Jean-Pierre Sauzère. Ben oui, je l'adore, Jean-Pierre. Ah, et avec Yves Vonderland. Ah oui, quel grand talent, hein, c'est Yves Vonderland, bah oui, c'est Jean-Pierre Sauzère. Il va réussir plus tard. C'est le hit de l'année 2014. C'est bon, moi je l'ai téléchargé comme sonnerie. Hein. Ah bah très, bah écoute, tant mieux, parce qu'il ne sera disponible, comme il dit, sur iTunes que l'année prochaine. Ouais, ça sera l'année prochaine. Alors évidemment pour les autres, hein, Jean-Pierre Sauzère, vous connaissez certainement, pour les plus anciens auditeurs de Fun Radio. Bon, alors, tu nous appelais pas pour parler de Jean-Pierre Sauzère, mais pour faire un canular, je crois.

Bienvenue sur Fun Radio, Jason Derulo et Dirty Talk. À l'instant, il y aura Zid dans quelques minutes avec Hayley Williams et Katy Perry pour Walking on Air. Il y a Christophe, il dit qu'il est énorme le canular, la mort de rire, le daron qui veut étouffer la flair. C'est Flo du 5-9. Non mais ah c'était énorme. Non, n'appelez pas la police, on va gérer ça entre nous. On va s'arranger. Et Jonathan qui dit ils ont cassé les deux. Oui. Toff s'est improvisé. Il a fait un petit revival de ils ont c'est buté ça. Les deux d'il y a quelques semaines. On m'a demandé, moi j'ai fait. Ouais. Et le prince qui dit ils ont cassé les deux, mort de rire. Toff, Morgan qui dit Toff, j'ai l'impression qu'il a dit ils ont tué les deux. Non, ils ont cassé les deux. Ouais. Et Kawet qui dit ils ont cassé les deux, pété de rire, t'es vraiment con Toff. Ludwig qui dit le gars a vraiment cru que c'était la police. Mickaël, le meilleur canular de toute ma vie. Encore, à chaque fois qu'on en fait un, vous dites que c'est le meilleur, c'est cool. Andreas aussi qui dit aussi les mort de rire, Toff me fait rire ce soir. Il y a Misty qui dit trop fort le canular. Sale gosse, c'est Mathilde. Il y a Rominé également qui dit mort de rire, vous me faites barrer. Et Céline qui dit mort de rire, bande de dingue. Heureusement que j'ai baissé le son. Et alors putain de génie qui dit aussi la relève de la libre antenne à l'ancienne, Mickaël. Bah merci putain de génie, c'est bon, gentil. C'est bon. Et GTR qui dit il va se faire tuer Ruben avant d'aller en psychiatrie. Excellent le canular, je suis pliant de c'est Ludwig. Il y a putain de génie qui dit vous niquez une école, mort de rire. Ah c'est pas nous, c'est Ruben qui avait eu l'idée. Moi j'y suis pour rien, je suis blanc comme neige. Et Sylvie qui dit trop fort le canular à l'instant. Kender également, putain comment il s'énerve le père. Pété de rire, pété tout. Et enfin Mathilde pour terminer. Il a plein des messages mais j'ai pas eu le temps de tous les lire. Arrêtez de faire des signaux, ça sert à rien, autant attaquer direct. Oui voilà, exactement. Bon, tous vos messages qui arrivent en direct évidemment sur le Facebook, sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel et puis vous pouvez aussi nous appeler 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. On va se faire maintenant une dernière fois la téléphone Damien. Ouais je sais. Ah, très bien. Bon c'est pour être sûr. Allô. Ah bah réponds vas-y. Ouais. Mais non. Ah bon, je pensais qu'il répondait genre oui mamie, oui j'arrive. Bon, on donne la réponse dans 5 minutes avec la colle juste après l'impro. Alors Damien répète encore un coup la colle et la réponse arrive juste après. Ok. Je suis un mot de 9 lettres dont une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant je suis juste sous votre nez. Qui suis-je? On proposait un drapeau. Non. Un bavardage. Non. Et on proposait Mickaël une mouche à merde. Non. Non plus. Bon bah très bien, dans 5 minutes la réponse pour gagner le PC portable. Donc Damien, je suis un mot de 9 lettres dont une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant je suis juste sous votre nez. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer en nous rejoignant sur le Facebook de l'émission facebook.com/MIKL officiel. Bon, Damien, on te récupère dans 5 minutes et on donne la réponse juste après le match d'impro, ok? Ok, ça roule. Allez, bouge pas. Et le match d'impro justement, et ben c'est maintenant. Stéphane, vous êtes là? Ouais, très bien. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est le moment, c'est l'instant. Je rappelle le principe du match d'impro. Alors le jeu a été totalement improvisé hier soir dans l'émission avec un film de cul à la base qu'on a dû improviser. Enfin que les auditeurs ont improvisé, on était 6, c'était un bordel sans nom. Mais on s'est bien marré. Du coup on s'est dit bon, on va refaire un match d'impro. Sauf que cette fois-ci, on va mettre un thème. Peut-être pas plus compliqué, mais un peu plus original, on va dire, puisque vous êtes en prison. Ok. Stéphane, vous êtes incarcéré dans une prison. D'accord. Vous aurez. On va mettre quoi? On met 3 minutes. Prison break, quoi. Ouais. Non, ouais. Prison. On met 3 minutes extensible à 4 si on voit que ça se passe bien. Ouais. Et le but très bon. Ouais, et le but évidemment c'est d'être bon en impro. Nous, on sera au milieu bien entendu quand on va voir que vous vous démerdez pas mal, on va venir pour foutre le bordel. D'accord ? Okay. Et donc celui qui s'en sort le mieux, donc faites attention de pas parler en même temps l'un sur l'autre, celui qui s'en sort le mieux, eh bien les auditeurs voteront pour celui qui s'en sort le mieux. Alors il y a Stéphane et Stéphanie et donc ils voteront et celui-là repartira avec un cadeau. Je vais voir ce qui reste en stock mais vous inquiétez pas, Stéphane et Stéphanie vous aurez un truc, il y a pas de problème. OK, donc alors le principe, donc vous êtes en prison, c'est il faut faire un film d'action. Okay. Ça c'est le thème, action. Ouais, et en fait on doit faire comment? Enfin on dit ce qu'on fait, etc. Non. Non, vous êtes en prison, démerdez-vous, hein. Évadez-vous, dialoguez. Moi, je mettrai des bruitages par-dessous et puis on verra bien. On est des compagnons de cellule, quoi. Voilà, vous êtes des compagnons de cellule, vous faites ce que vous voulez, peu importe, il n'y a aucun problème. Vous gérez à deux, c'est pas plus compliqué que ça. Okay, ça marche. D'accord. Allez, on fait cette première. Nous arrivons en prison, donc 3 minutes extensibles à 4. Si vous avez des idées en plein milieu à balancer, n'hésitez pas, hashtag Mickaël ou sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis on fera tourner, on bougera l'histoire en fonction des idées que vous allez balancer également sur le Facebook et sur le Twitter. Donc écoutez bien, il y a Stéphane, il y a Stéphanie, c'est vous qui devez jouer le bordel, ok, okay. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors attendez, je vais juste vérifier que la porte fonctionne. On peut ouvrir la porte de la cellule. Cachot. Très bien, la porte du château également, le pont-levis fonctionne. Tout est prêt. 3, 2, 1, attention, c'est parti. Oh putain, mais on a intérêt. Donc on trouve un moyen de s'évader. Bah oui, il faut trouver un moyen de s'évader, c'est pour ça que je suis là. Et enfin, comment t'es arrivé ici toi? Moi j'ai braqué une banque. T'as braqué une banque? Ah ouais, c'est un petit truc de merde. Moi j'ai fait un double assassinat et il m'a chopé le quemé, donc il faut qu'on se barre d'ici parce que j'ai des projets et j'ai de l'argent de côté, donc il faut vraiment qu'on se barre. J'ai un plan et tout. J'ai plein d'argent et j'ai besoin de gaspiller cet argent. Bah ouais, carrément, bah ouais, sinon ce serait con, on aurait fait ça pour rien et puis voilà. T'as une idée pour sortir ou c'est comment? Ah je sais pas du tout. J'ai essayé de trouver un moyen là. Pour essayer de choper le gardien avant qu'il nous chope. On se tait là, minuit 30, extinction des feux depuis 2 heures. Faudrait qu'on le chope une fois qu'il nous filera à manger. On se tait là, extinction des feux depuis 21h déjà là. Ouais. Attention là, dormez là. Que je vous y reprenne plus. Mais on n'a pas envie de dormir, monsieur. Je veux pas le savoir que je vous y reprenne plus, c'est pas vous qui faites la loi là. Allez hop, au lit. Ok, on va dormir. Bon, je continue ma ronde. Ouais, c'est ça, cours toujours. Bah tiens, on n'a qu'à profiter du temps qu'il part de l'autre côté de la prison, on essaie de faufiler un petit peu, tu vois. Ouais, clairement, ouais, franchement, il y a moyen. Mais il faudrait, comment le choper, hein. Faudrait prendre les draps et le choper et l'étouffer avec. l'étouffer comme un con, et tu chopes les clés, on se barre d'ici, quoi. Bah, toi tu le chopes parce que toi t'es plus costaud et moi je l'étouffe. Ouais, voilà, je prends le drap, on chope, on l'attire et on l'étouffe. On le tue, je change. Qu'est-ce que je vous avais dit là? Je vous avais dit de vous taire. Bon, alors attendez, je vais faire une inspection là. Allez, inspecte-moi. Ah, attendez, il faut que je prenne la bonne clé là, attention. Parfait. Bon, alors inspection. Moi j'ai rien sur moi, monsieur, Il y a jamais rien sur vous là. Bon, on va faire l'inspection directement du drap là, du matelas, tout le bordel. Allez hop, on lève tout là, c'est parti. Roger, tu fais attention qu'il s'évade pas là. Hein. Surveille là. Tu fais attention qu'il s'évade pas là. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Dis donc, à qui est le lit là? C'est le mien. C'est le sort. C'est quoi cette lime à ongles là, sous l'oreiller là? Vous foutez de ma gueule? Mais c'est une meuf, c'est normal. Faut que je reste belle quand même si je suis en prison. Bah oui. Ouais, ouais, c'est ça, vous vouliez pas scier les barreaux par hasard? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ouais, c'est ça. Bon, alors, attendez, on continue, on va vérifier encore, là. Bon, il y a l'air de rien y avoir, là. Faut qu'on le chope. Allez. Vas-y, passez une bonne nuit, hein. Vas-y, tiens, prends ça, là, tiens. Tiens, allez. Vas-y. Tiens. Ta gueule, putain! Il s'évade à deux! Roger, les clés, je prends les clés! Allez, parti, on y va! Vas-y, cours! Allez, ça va trop vite! Je peux pas les rattraper! On va à droite! Oh putain, ils ont mis des signaux! Mon fusil! Vas-y, cours! Vas-y, viens, on va dans la salle de service! On va se cacher! Vas-y, rentre dans les chiottes! On rentre dans les chiottes, ok! Il s'évade à deux! Il s'évade à deux! Ouais, Roger, où ils sont là? C'est pas ma vie, moi! Eh, ils sont où? Ils sont où? Je sais pas, ils sont partis là! Je viens de les entendre là, ils sont là dans le coin là! Ouais, mais on a qu'à dire qu'on les a pas vus et on retourne. Attention, je lâche le chien! Vas-y, on se couche! Vas-y. Bon, attention, il me fait la zone, ce bâtard. Vas-y, on se casse. Vas-y, tiens, ça chie de merde. Tiens, prends ça, là. Ouais, tiens, un petit coup de pelle, là, allez, tiens. Allez, on se casse d'ici. Vas-y, on prend la voiture, on prend la voiture. Vas-y, tu prends la... tu conduis et je prends l'arme, vas-y, les flingues. Mais non, mais moi, je sais pas conduire, moi, toi, tu genre, conduis. Genre, tu conduis et je prends l'arme. Eh, directement, c'est le même temps, là. Bon, on l'a fait 4 minutes, dans l'absolu, 4 minutes. Bon, c'était la première. Alors, à vous de dire maintenant lequel des deux c'est le mieux démerdé. Est-ce qu'il s'agit de Stéphane, de Stéphanie ou de moi-même? Parce qu'au final, je peux gagner les cadeaux aussi. Tu peux gagner aussi. Bah oui, c'est vrai, merde. Donc, ah non, mais ça serait pas juste. Bah oui, c'est vrai, ce serait très mal, mais n'oublie pas que je suis un dictateur, c'est moi qui ai tous les boutons. Oui. Et cette émission est trop injuste, je le rappelle. Cassez ta gueule. Oh, je la ramène. Je fais ce que je veux, il suffit que je pousse sur un bouton et vous n'existez plus. Ouais. Non. Ah si, alors attention. Bon, donc du coup, allez-y, hashtag et Mickaël, dites-nous, hein. Il y a Alexou qui dit il s'évade à deux, référence à ils ont tué les deux, bien entendu. Andreas qui dit pas mal, le gars là, assure, la fille s'adapte à ce que dit le mec. Stéphanie qui dit waouh, Stéphane c'est un ouf, il veut tuer Michel le gardien, et quel enculé. Sarah qui dit il joue bien la scène, j'adore. Guillaume qui dit épisode 1. Prison Fun, pas mal. Il y a juste qui dit aussi j'adore le chien. Oui putain, tu parles de chien, un chien de merde. Ah, il était pourri le chien, mais j'avais que ça. Ah non merde. Ouais. Non mais trop tard, trop tard. Ah j'avais celui-là, mais c'est trop tard, effectivement. Ah ouais merde. Ah ouais bah tant pis, il sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a aussi, putain de génie qui dit Stéphane et Mickaël et les meilleurs acteurs de cet impro. Serge également, excellent match d'impro avec un bon scénario. Oh oui, nous étions tellement bons. Et Kiki qui dit double assassinat trop fort. Qu'est-ce qu'il y a, attends c'est quoi? Ah oui la relève, j'avais déjà lu celui-là le message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah continuez, vous mettez hashtag et Mickaël et puis vous mettez Stéphane ou Stéphanie pour savoir lequel des deux a été le meilleur au niveau de l'impro. Alors Dimitri, puisque t'étais là aussi, lequel des deux est le meilleur à ton avis? Bon, les deux, ils ont été bien, mais... Ouais, mais ça m'arrange pas, ça. Il me faut un gagnant, moi. Il me faut pas les deux, c'est ont été bien. C'est pas l'école des fans, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, alors, à ton avis, si tu devais voter... Ah, je dirais Stéphane, il a été un peu plus au-dessus. Tu dirais Stéphane. Il y a Emmanuel également qui est avec nous, d'ici les Molinos. Là. Salut Emmanuel. Ouais, salut. Ouais. Bah, moi, je dirais Stéphanie parce que, voilà, solidarité. Ouais. Mais girl solidarité power. Ouais. Mais oui, girl power. Et Damien. Damien, t'es là? Ouais. Bon, et tu voterais pour qui, toi, si tu pouvais choisir? Non. D'accord. Merci Damien de participer à cette émission, ça fait énormément plaisir. Non, c'est qu'en fait là j'ai pas pu trop suivre en fait. Ah bah bravo. C'est parce que j'ai pas pu trop suivre, c'est pour ça. Ah bah coup de pelle. Désolé, voilà, c'est tout ce que tu mérites. Non mais c'est sérieux ça. Bon alors on va mettre Zil avec Hayley Williams pour Stay the Night. Et puis on va récupérer tous les messages que vous allez envoyer maintenant. Hashtag et Mickaël sur le Twitter, vous mettez celui qui a été le meilleur pour vous, Stéphane ou Stéphanie. Sur le Facebook également, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis on va faire le gagnant de la colle. Restez là Stéphane et Stéphanie. Damien, gagnant de la colle maintenant. Ouais. Allez, c'est parti, vous avez été nombreux à vous inscrire sur le SMS et sur le Facebook. Tirage au sort maintenant pour gagner le dernier PC portable. Damien qui avait balancé une colle. Si la réponse de la personne qu'on appelle maintenant est bonne, il gagne et tu perds. Si c'est l'inverse ou que ça ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Damien. Oui, allô, bonjour, oui, comment t'appelles-tu? Vanessa. Vanessa, tu as quel âge, tu es dans quelle ville? J'ai 29 ans et je suis d'Épernay, dans la Marne. D'accord. Et combien mesures-tu, Vanessa? C'était pas la question, Toff. C'est pas grave, c'est pour savoir si elle mérite le cadeau. Vanessa, combien mesures-tu? Pour faire le rapport. Combien je mesure? Oui. 1m61 et puis les paupales de cul. Combien pèses-tu? Combien je pèse? Oui. Je sais pas, 49. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? La taille du pantalon? Ouais. 36. Tu m'as mis. Tu dois pas être très intéressant. Oui, et voilà, exactement. Donc, Vanessa? Oui. Alors, il y a notre ami Damien qui a une colle à te poser. Oui, je l'écoute. Je suis un mot de 9 lettres, dont une est répétée 3 fois. Je suis invisible et pourtant je suis juste sous votre nez. Qui suis-je? Ben, invisible. C'est ça. Oh ouais. Eh ben bravo Vanessa. Cool, je suis trop contente. Tu vois Damien, sous le nez, c'est ce que le PC portable vient de faire. Te passer sous le nez. Ouais, mais je m'en fiche, moi là-bas je voulais la télé, je voulais pas le PC. Eh ben voilà, j'en ai deux PC portables. Ah bah oui, bah finalement t'as ni l'un ni l'autre. Pour la télé. Bah oui, bah bien sûr, et puis quoi encore. Ça va, il y a le Pac-Fun. Oui, c'est vrai, en plus, exactement, oui, on va te renvoyer chez Sandro, Damien. Bon bah bravo Vanessa. Merci, c'est cool. Avec plaisir, gros bisous, tu reviens quand tu veux. Gros bisous, pas de soucis. Salut Damien, salut Vanessa, je vous embrasse. Salut. Salut. Et donc Stéphanie, Stéphane, on va voter pour le match d'impro juste après le son de Zid. Maintenant qu'on écoute, c'est parti, Zid avec Hayley Williams. À l'instant sur Fun Radio, Stay the Night, bienvenue si vous venez de débarquer. Je même pas saluer Hunter qui est passé nous voir. Tiens, c'est Ismet, c'est ça? Attends, on va allumer ton micro là. Est-ce que tu m'as dit ton prénom tout à l'heure? Je vais zapper. Ça va? C'est ça. En forme? Ouais, ça va, c'est nickel. Bon, parce qu'il y a Polo qui cherche toujours quelqu'un pour aller avec lui à Starfloor. Hein. Non, je cherche une fille. Non, bah il s'y met une perruque. Je crois qu'il est un peu trop barbu pour Polo. Ouais. Je cherche toujours une jeune fille pour m'accompagner au Starfloor. Ah ouais, mais bon, t'as quel âge, Ismet? Moi, j'ai comme toi, 21. C'est pareil. Bah, moi, j'ai 22, attends, je suis un peu plus vieux quand même. Ah oui. J'aurai 21 l'année prochaine. Voilà, donc là je suis un petit peu plus âgé. Et Polo a 22 et demi. Ouais, voilà. Mais c'est moi ça. Je cherche toujours une fille. C'est scandaleux. J'ai reçu des menaces de mort. Des mecs ont voulu mettre des perruques. Mais il n'y a aucune fille. Je suis moche, c'est ça? Ah bah peut-être. Bon, peut-être que t'as mis le doigt dessus. Peut-être qu'il a mis le doigt dessus. Mais Goumi, elle refuse, tout le monde refuse. Bah oui. Bon, oh, Ismet, si tu devais voter pour Stéphane ou Stéphanie, tu prends qui? Moi, j'aurais dit Stéphane. Stéphane, d'accord. Alors il y a Mystique qui dit moi je vote pour Stéphane. Guillaume qui dit Stéphane est au-dessus. Il y a Mathilde qui dit mais Stéphanie était la mieux quand même. Il y a Titi Christophe qui dit premier Mickaël, deuxième Stéphane, troisième Stéphanie. Merci Titi. Phil qui dit Stéphane juste parce que Stéphanie n'a pas donné ses mensurations. Oh mais non. Ouais, moi je suis d'accord. Oh là là. Mais ça n'a rien à voir. Je ne prendrai pas ce vote en compte, Stéphanie. Le Prince qui dit mais clairement celui qui a été le plus performant c'est Stéphane. Joseph qui dit c'est Steph. Bon, on est bien avancé avec ça, tiens. qu'est-ce qu'il y a? Lolo qui dit Stéphane, t'as géré. Andrea qui dit Stéphane, c'est pas mal. Jessica, moi, je dirais Mickaël, mais sinon, je dirais Stéphane. Et donc, l'unanimité, c'est Stéphane. Hein. Bravo, Steph. Ouais, Voilà. Bah, écoute, bravo, Stéphane. Hein. C'est gagné merci. Pour toi. Donc, Stéphanie, je suis désolé, mais c'est pas grave. Tu retentes ta chance quand tu veux. Non, c'est pas grave. Bien joué Stéphane. Bah oui, voilà, merci, exactement. Il n'y a pas de problème. Bon, je te fais des bisous, Stéphanie. Ok, pas de soucis. À bientôt, salut à toi. Et je peux juste faire une dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne. Hein. Ok, une dédicace à la Team Sincerity. À qui? À la Team Sincerity. Je n'ai rien compris et pourtant j'ai un casque sur les oreilles. Faut pas demander ceux qui sont. Une team, la team Sincerity. Ah, voilà. Sincerity, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, message passé, Steph. Salut à toi, à bientôt. Bisous. Ciao, bye bye. Et puis Stéphane, alors je sais plus ce qui reste en stock, c'est soit un PC portable, soit un écran plat. Je sais plus ce qui reste, tu vas voir ça avec Sandro. Ok, ça marche. D'accord. D'accord, ça marche. Voilà. Et je peux passer une petite dédicace aussi en même temps. Vas-y aussi, une seule personne, vas-y. Rapidement, je passe une dédicace à Benjamin et Anthony. D'accord, message passé, pas de problème. Merci beaucoup. Steph, salut à toi. Et heureusement que j'avais dit une seule personne, enfoiré. C'est pour ça que j'ai fait vite. Ouais, t'inquiète pas, j'ai bien capté. Bon, salut Steph, je t'enverrai une demi-télé. Merci, bon courage. Tu vas bien avancer, tiens. Salut Stéphane, à bientôt. Récupération de Dimitri maintenant. Dimitri, est-ce que tu es là? Ah ouais, je suis là. Bon, on va faire des appels aussi avec Toff, hein, c'est vrai qu'on a pas oui, eu. Ça fait longtemps là. Ah bah ouais, mais entre le canular qu'on a eu l'occasion de faire tout à l'heure, là, les gens ont kiffé. Il y a Jason qui dit trop fort le canular, là, sérieux, vous déchirez tout. Continuez comme ça, vous donnez la joie de vivre, merci beaucoup. Et puis Arkil qui dit, j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Je fais une grosse dédiée au collège Julio Curie du 63, je vous adore. Bah merci beaucoup, message de bienvenue. Épiler vos poils de cul. C'est quoi ton problème? Bah voilà, c'est d'épiler ses poils de cul. Et Léa aussi qui dit, la fille a sorti une grande disquette pour pas répondre aux questions de Toff, ouais, c'est clair. Et putain de génie qui dit, Nabil. Là, l'exception qui confirme la règle pour les gros culs. Oui, c'est vrai. Bah, en parlant de gros culs, on va faire un petit appel maintenant. On va faire un petit appel maintenant. On va récupérer Dimitri qui est avec une fille qu'il a chauffée sur internet pour la jeter ensuite. Et notre ami Emmanuel qui va également donner son avis. N'est-ce pas, Manu? Oui, c'est là. Très bien. Est-ce que tu as un gros fessier, Manu? Non, ça va, je suis entre les deux, mais laisse-moi vérifier. Non, mais c'est ça. Par rapport à notre étude à Oxford, à l'université d'Oxford, qui disait que les filles avec un gros fessier étaient plus intelligentes que celles avec un cul plat. Combien mesures? J'en connais qui ont des grosses fesses et qui sont pas très intelligentes. Ah. C'est vrai, mais combien mesures-tu, Emmanuel? Je suis 1m65. Combien pèses-tu? Je dois peser 53 kg. Quel est ton tour de poitrine? Alors là, aucune idée. Genre. Ça fait un bon essai de 80. 80 et la taille du dernier pantalon que tu as acheté. 86, c'est pas mal. C'est énorme. Et 36. Oh là là là. Mon ami Polo qui cherche quelqu'un pour aller au Starfloor ici au Lino, c'est juste à côté. Moi, exactement. Je dis ça. Ouais. Emmanuel, si tu vas aller au Starfleur demain, après-demain, pardon, avec Polo. En très bonne compagnie. Non, je ferai grand plaisir, mais je ne peux pas. Attends, c'est dommage. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Tu peux dire que tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Non, j'aurais été vraiment avec grand plaisir, mais je ne peux pas. Parfait. Parce que je suis maman et il faut que je reste chez moi, donc voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. En semaine, je suis libre jusqu'à 16h. Tu peux m'envoyer un mail à polo@funradio.fr. Bien. C'est risqué, ça, quand même, parce que tu connais pas ma tête en même temps. Mais moi, c'est pas la tête qui m'intéresse. Grave. C'est pas grave, t'es 85, 80 C, voilà. T'as dit le principal, va, t'en casse pas la tête. Bon, c'est le code pour ouvrir. Emmanuel, n'hésite pas, mon amour. On va faire quelques appels, enfin deux appels, hein, un ou deux appels comme d'habitude, quoi. Et on te reprend juste après. Ça va durer, ça dépend. Après, ça dépend de la personne qui appelle, évidemment. Hein, ça, c'est bon. On va donc poser la question pour voir si ils ont des gros culs ou pas. Bah exactement. Allons-y. Allez, merci d'avoir envoyé tous les numéros de téléphone d'ailleurs, hein, depuis plusieurs jours d'ailleurs. Hein, déjà encore debout assez tard. Vous envoyez ça sur tof@funradio. Oui, allô. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez un gros cul. Espèce de con. Pourquoi vous me dites ça, madame? Ah oui, je ne sais pas, mais... Donc je disais tof@funradio.fr, toph@funradio.fr si vous voulez proposer des numéros. Espèce de con, paraissait pas mal. Et puis les paroles de cul. Voilà, bon, on rappelle. Allons-y. Elle avait l'air gentille en plus, madame. Oui. Ah bah attends. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros cul. Pardon ? Non, je voulais savoir si votre femme avait un gros cul. Ah ouais, et moi j'ai une grosse bite. D'accord. Je te rends cul, là. Bon, et bien voilà, bon accueil, bonjour, on en appellera d'autres tout à l'heure avec plaisir. Bon, alors Emmanuel, donc d'ici les Moulinéos, donc tu voulais réagir par rapport à Dimitri, puisque il y a une fille qui l'a chauffé pour le jeter ensuite, et ensuite quand lui se fait draguer par. Enfin quand lui drague d'autres meufs et que d'autres meufs le jettent, elle dit ah putain mais si moi tu me draguais je te jetterais pas. Donc c'est quand même toute la subtilité de la femme. Toute la subtilité de la femme, effectivement, c'est je veux plus, je veux plus, tu veux, je veux plus non plus. Donc, je vous avais demandé si ça vous était déjà arrivé, voilà, et surtout si une fille était capable de m'expliquer comment ça marche. Emmanuel, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu seras capable de m'expliquer comment vous fonctionnez? Alors, moi, je peux être capable d'expliquer comment on fonctionne parce qu'en fait, je pense qu'elle lui dit ça surtout parce qu'elle n'est pas intéressée, mais qu'elle lui laisse quand même l'espoir qu'il pourra trouver quelqu'un. Oh là là. Ouais, mais c'est nul. Il pouvait pas être clair. Bah oui. Mais parce qu'en fait, en général, les filles, quand elles trouvent beau quelqu'un, bah surtout sur Internet, c'est un peu spécial parce qu'on voit par photo tout ça. Donc il suffit qu'il ait envoyé 2-3 photos en plus que finalement elle ait changé d'avis, qu'elle le trouve quand même sympa, donc elle préfère rester amie avec lui, mais qu'en même temps, elle a pas trop envie. Et finalement, quand lui dit qu'il va draguer d'autres nanas, elle, ça l'embête un peu parce qu'elle voudrait même garder quand même que pour elle. Ah ouais, d'accord, c'est bien une meuf relou, quoi. C'est bien une meuf. Bah, toutes les filles sont un peu comme ça après. Ah oui, oui. Toutes les filles sont un peu relou, donc. Bon, est-ce que tu te ressens comme ça, Dimitri? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc en gros, quand t'es derrière le cul de personne, bah, elle s'en fout, vous êtes potes, c'est cool. Et quand elle voit que t'es intéressé par quelqu'un d'autre, du coup, elle essaye de te freiner un peu en disant, ah putain, moi, à sa place, je dirais oui. Voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais, donc Manuel avait raison, hein. Voilà. Elle est chiante, hein. Elle est chiante. Ouais, ouais, une vraie meuf. De quoi tu dis, Dimitri? Un peu de colle, quoi, en fait. Pot de colle, non, pas pot de colle, ça, on peut pas dire ça. C'est juste qu'elle est relou, quoi. Elle est relou, non, parce que finalement, comme lui n'était plus intéressé par elle, bah elle s'est dit merde, attends, finalement il est moche et il s'intéresse plus à moi, donc. Il est moche. Il est très laid. Ok, bah merci, ok, bon. Non, mais peut-être que si elle t'a recalé à la base, c'est qu'elle trouvait pas super par rapport à ses goûts, tu vois, sinon elle t'aurait gardé. Donc peut-être qu'après, finalement, elle a changé d'avis parce qu'elle a vu que tu serais d'autres nanas, donc ça l'a fait chier, tu vois. Donc en gros, il est célibataire, elle s'intéresse à lui, elle en veut pas, il va voir ailleurs et du coup elle râle parce qu'il va voir ailleurs et se dit bah merde, pourquoi il me regarde plus? Et parce que c'est toujours comme ça, les gars. Manu, il y a aussi le truc parce qu'il est trop sympa. Ouais, alors après il faut pas être trop sympa. Il faut la dégager. Ouais. Méchamment. Bah en fait, il aurait dû la dégager dès le départ. Comme ça aurait pas été elle qui aurait dégagé, elle serait revenue tout de suite. Ouais, elle serait revenue en courant. Ouais. Donc, moralité. Ventre à terre. Ouais, si je résume bien ce que tu dis, Emmanuel, il faut... Tu voulais dire quoi? Imagine, je suis intéressé par toi, Emmanuel. Ouais. Pour t'avoir... Il faut que je te dise salut Emmanuel, super belle, tout ça, tu me la crèves, voilà, c'est ça. Et après, hop, plus de nouvelles. Non, pas plus de nouvelles, mais en gros, écoute, finalement, j'ai réfléchi, tu m'intéresses pas. Et là, elle va se poser toutes les questions, elle va dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis pas belle, je passe ceci, je Et là, tu vas te faire bombarder de textos et elle va te lâcher, quoi, c'est sûr. Mais oui! Non, mais faut jouer un peu le mec froid quand même pour faire le dentiste. Il faut pas attendre trop longtemps. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, la meuf, elle se barre quand même, elle en a marre d'attendre. Voilà. Nous dit Sandro, la meuf qui a quand même attendu combien? 6 mois? Ouais, c'est ça. Non, c'est différent. 4 mois, mais j'attends plus là. Ah ouais, ouais, c'est ça, mais enfin, c'est différent. Enfin, c'est quand même 4 mois. Mais donc, ouais. tout ça pour dire que, en gros, donc, si vous êtes intéressé par une fille, il faut lui dire c'est génial, t'es la plus belle, ouais. c'est génial. Tu lui mets un stop et tu t'en Finalement, lui dire, bah, j'ai changé d'avis pour qu'elle revienne. Ouais. Et à ce moment-là, quand vous allez dire ah bah bon bah ok d'accord, elle va dire non mais j'ai changé d'avis aussi. Mais oui, une meuf quoi. Mais c'est un truc de malade. Mais voilà. Moi j'ai fait des expériences magnifiques, magnifiques. Oui, c'est le polo est chercheur dans la meuf. Oui, chercheur dans la meuf, exactement. Oui. Il est chercheur. J'ai pas trouvé grand chose, mais c'est. Il faudrait nous donner les signaux des hommes aussi, hein. Ah bah nous, c'est pas compliqué. Tu reviens à la bite, ça monte, ça descend. Mais c'est vrai, y a que ça. Non mais vraiment. Si tu vois que si, ben oui, le mec, il est. Faut le chauffer, en fait, tu vois quand, tu vois quand un mec fait le coq, c'est qu'il est intéressé. Mais oui. Quand oui. il fait le coq et qu'il tourne avec sa queue en l'air. Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois. Il y a pas de signaux. Soit avec les cheveux, chez Toff, il met les cheveux en l'air comme ça, voilà. C'est comme un coq, t'es tout droit au début. Quand je fais la crête et puis c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il est intéressé. Et exactement. C'est un mec qui crâne en fait, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça, ouais. Mais ouais, mais tous les hommes ne crânent pas. Bah il y en a beaucoup quand même. Mais bah, ça c'est Toff quand il drague. Ouais, mais j'ai pas dit les hommes qui draguent. Comment savoir si tu plais à un homme? Non, mais une femme plaît toujours à un homme. Non, ah bah non. Non, peut-être à toi parce que tu prends tout et n'importe quoi. Moi par exemple, c'est pas le cas. Tu vois, moi je fais attention au physique. Et je vais peut-être il y en a peut-être qui vont me dire ouais, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est salaud. Mais oui, moi je regarde en premier le physique parce que je suis peut-être le seul à être franc. Dans le monde des mecs, mais il y en a plein qui disent alors en fait, il y a plein de mecs qui vont dire Emmanuel, tu me diras si t'es d'accord avec moi ou Dimitri hein. Il y en a plein qui vont dire ouais, mais non, moi je regarde l'intérieur. C'est faux, c'est archi faux. On regarde d'abord le physique. Personne ne regarde d'abord l'intérieur. Tu regardes d'abord le physique, si t'es intéressé, tu continues, tu vas gratter l'intérieur. Si effectivement l'intérieur c'est vide et que c'est chiant, bah tu te barres. Bah, c'est le principe de la boîte de conserve, hein. C'est la boîte qui t'attire et après tu dis c'est bon à l'intérieur. Oui, merci. Merci pour ça. C'est périmé depuis un bon moment. Voilà, donc qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel, est-ce que tu regardes d'abord l'extérieur ou l'intérieur? Moi je regarde le physique, mais après si le mec est con, il next quand même. Hein. On est d'accord, ça, Emmanuel. Ouais. Hey, s'il est con, il a de l'argent, t'en as rien à foutre du reste. Non, hein, non, moi perso, je suis pas du tout. Même s'il est blindé, s'il est con, il dégage. Hein. Et bah très bien. Et ben bah, tu sais quoi, on va faire l'expérience, on va sortir ensemble et on va voir. T'as vu un peu comment je me suis infiltré. Mais là, franchement, si t'es moche, premier rendez-vous, c'est salut. Hein. Je suis pas moche, je suis. Il n'a pas un physique facile. Écoute, j'ai du talent. Non, il est pas dégueulasse, ça va. Regarde, il va même te jouer d'un instrument. Ah, tu trouveras pas de mec. La flûte traversière. Non, ouais, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Externe, avec un flûte de 16. Tu verras pas, t'auras pas souvent un mec qui va venir te jouer du pipeau comme ça là. Ah non, là c'était fin là. Ah, t'as vu quand même, hein. Attention, écoute, c'est beau. Écoute, je vais pas insister sur ces temps, c'est soit tu prends, soit tu prends pas. Ouais, il y a Megumi qui dit le signal de Polo, c'est si t'as les cheveux longs et si tu les touches, et qu'il les touche, là t'as tes chances. Il y a Daoud. C'est surtout si tu peux t'essuyer dans les cheveux. Il y a Daoud Douida qui dit c'est comme un passage à niveau, une fois que la barrière se lève, faut foncer. Guillaume qui dit aussi les meufs, c'est bien qu'en soirée en fait, histoire de tirer ton coup, mais pour une vraie relation, qu'elles aillent se faire foutre. Ouh, ça c'est un mec qui s'est fait plaquer il y a pas longtemps. Megumi encore qui dit si on parle de Nabila, on peut mettre la débile de Kardashian aussi qui a une bouée à la place du cul. Le Buzz Ferry qui dit Polo sortira avec le sac Carrefour de Toff au pire. Et Chanice qui dit je peux avoir un message de bienvenue. Bah bien sûr. C'est un petit connard. Voilà. Et puis Toby également. Je suis comme toi Mickaël, je regarde le physique. En plus je suis grave difficile. Non mais moi aussi c'est clair hein, c'est super emmerdant hein. Franchement je peux m'arrêter à des détails. Parfois il suffit qu'il y ait un nom qui n'aille pas et pfff. Oh là là. Ah non mais c'est vrai, je sais que je suis comme ça. Non mais sincèrement, attends, il y a Scarlett Johansson qui arrive devant toi, te propose la truc, toi tu regardes son nom qui est cassé, tu dis dégage. Ah pas ouais, cassé, si elle a un pas de cassé, travers, c'est pas possible. Non mais pas cassé, t'as des trucs comme ça qui me, je vais pas dire qui me répugnent, mais par exemple je regarde les pieds, j'aime pas les pieds, mais tu vois, si vraiment les pieds sont moches, Déjà la même fait des chaussures ouvertes, elle a déjà perdu la moitié. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais ça dépend quelles chaussures. Des chaussures ouvertes qui sont belles. Mais ouais, je suis dans le détail à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est pour ça que je galère quand j'ai pas de neuf. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je procède comme ça. Il y a des petits trucs des fois qui tuent. Bah exactement. Voilà. Et moi, aucun problème. Une manière de parler. Ouais, mais lui prend n'importe quoi. Une manière de parler qui me plaît pas ou j'en sais rien. Je sais pas. Des... Oh, t'en fous, toi. Ah ouais, moi c'est ouais, la poubelle du. Tant que la meuf elle me dit c'est bon ce soir, on y va. Hein. Ah, bah ouais, ça. Il y a Alexo qui dit j'avoue, tu regardes le physique avant l'intérieur. Bah oui, évidemment. Et Angelina qui dit on t'écoute tous les soirs, tu lis nos messages, tu nous laisses parler dans l'émission, tu nous fais rire, on t'aime, toi et la belle équipe. Merci Angelina et gros bisous à toi. Ouais. Bon, eh ben, Emmanuel, je sais pas si t'as encore un truc à ajouter. Bah écoute, non, mais voilà, c'était juste bon. pour qu'ils comprennent que de toute façon, c'est. Comme ça avec toutes les filles, je pense. Eh ben écoute, le message est passé. Emmanuel, merci beaucoup d'être passé. Je te fais plein de bisous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi. À bientôt. Radio. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'elle a bien noté. Ne t'inquiète pas. polo@funradio.fr, bien sûr. Envoyez vos photos, les filles. Ouais, si vous avez d'ailleurs déjà fait des rencontres sur internet, venez nous en parler aussi hein, pour voir si, comme Dimitri, peut-être les filles vous s'en foutent un peu de vous ou les mecs. Hein, venez nous en parler. On est là encore pendant une heure jusqu'à deux heures. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Dimitri, eh ben écoute, mec, je pense qu'il y a un moment, faut mettre les points sur les i avec la meuf et puis bah passer à autre chose. Hein. Ouais, bah je vais l'envoyer chier alors. Oui, voilà. C'est ça aussi. Ouais. Bah, franchement, d'homme. Essaye, tu vas voir, hein, ça se trouve, tu vas l'envoyer chier, elle va revenir. Ouais, mais si elle revient et qu'elle me refait le même coup, c'est pas intéressant. Mais oui, tu la vires, c'est tout, c'est fini. En plus, ouais, en plus. Bon, bah tiens-nous au courant quand même, on sait jamais. Ouais, je peux avoir un pack plein, c'est ouais, ça. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème. Merci. Salut, à bientôt. Salut les mecs. Allez. Ciao, bye Dimitri. Il y a Christophe aussi qui dit homme-femme, on regarde toujours le physique en premier. Comme Mickaël, je suis très très très difficile. Bah oui, mais voilà. Putain de génie qui dit comment je m'ennuierais sans vous et vos conneries là, je vous kiffe. Et Fabienne qui dit je comprends pas, ma belle-mère a un cul de porte-avions et pourtant elle déconne. Et Kevin, j'aimerais dormir plus tôt, mais vous êtes là, je peux pas dormir. Ah merde, bah demain à la limite, tu vois. Et Clément aussi, Mickaël, nos limites s'arrêtera, on s'ennuiera trop, on sera dans la merde, mais j'espère que ça restera jamais. Je vous kiffe, merci beaucoup. Bon, bah on va se faire un petit peu de son maintenant sur Fun Radio avec. Katy Perry qu'on écoute tout de suite, Walking on Air. Et puis il est 1h du mat. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h. Venez, appelez-nous, venez délirer. On parlera des Miss également. Êtes-vous plus intelligente qu'une Miss? Si vous voulez faire le jeu avec nous, bah appelez-nous aussi hein. 01 42 48 5000. J'ai le quiz sous les yeux. C'est le même quiz qu'on a posé aux Miss hein. Enfin pas nous, mais le comité Miss France qui a posé aux Miss. On va se faire le jeu maintenant. Donc j'ai besoin de deux filles pour jouer avec nous. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique pour jouer. Et puis bah, Katy Perry qu'on écoute maintenant, c'est Walking on Air sur Fun Radio. Katy Perry sur Fun Radio, Walking on Air. Il y a Antonio qui dit moi j'ai rencontré ma meuf sur internet, ça fait 7 ans et je suis avec demain, pas mal. Ariel qui dit vire ta meuf et prends un chat, c'est moins d'emmerde. Bon ça reste à voir hein, parce qu'il peut chier partout hein. Et Jordan, salut Mickaël, je vous écoute souvent, je me marre bien. Est-ce que je pourrais avoir un petit message de bienvenue s'il te plaît? Vous êtes super, continuez comme ça avec plaisir. C'est quoi ton problème? Vous êtes déséquilibré. Bah complètement, hein, complètement. Et Alessio, c'est parti Mickaël, parce qu'il y a enfin quelque chose de bien écouté à la radio. Bah merci Alessio, c'est vrai, c'est vrai. Bon, plein de messages qui arrivent effectivement. On les lit en direct comme d'habitude. On va faire encore un petit appel maintenant. On va faire le jeu des Miss aussi dans quelques minutes. Et puis on a Lola avec nous là de Gironde. Salut Lola. Salut. Comment ça va? Bien et toi? En forme? Oh bah ça va, après ton voyage. Bah oui, mais t'as quel âge Lola? Mais j'ai 20 ans. Juste 20 aujourd'hui. Ans enfin, hier. Aujourd'hui? Oh là enfin, là, hier. Bah musique d'anniversaire alors. T'as une petite voix. Voilà. Bon anniversaire Lola. Oula, tu peux danser ou quoi? Ah bah non, attends, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah. Oh, c'est voilà, eh ben, c'est fait comme ça. Mais si elle a 20 ans, combien mesure-t-elle? Je mesure 1m70. Combien pèses-tu? 42 kilos. Ah, elle est bien. Et il faut manger maintenant, hein, Lola. Faut enfin, bouffer, j'adore. Il y a un moment, il faut manger. Hein. Reste comme ça, t'es magnifique. Ouais. Alors, quel est ton tour de poitrine? 90 C. Wow. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 32 ou 34, je sais plus. Ah ouais, donc t'es pas très intelligente, quoi. Non. Ah bah, j'ai des grosses fesses, quand même. Ah bon? Oh, mais je la veux. Je la veux. Oui, bah écoute. Bon, Lola. Encore, vous m'avez pas vu danser. Hein. Oh oh, attention, t'as tapé sur un point sensible avec Polo, hein, sur oh, la danse là. Bon, le pourquoi t'es danseuse? Non, mais. Mais je rappelle que Polo cherche toujours une accompagnatrice pour le Starflow. C'est vrai, effectivement. Mais bon, là, elle est en Gironde, ça fait un peu loin. Hein. Bah, il y a le train. Oui, c'est vrai qu'il y a le train, en effet. Bon, ouais, Lola, et qu'est-ce qui t'amène? Ben, je voulais participer au. Oui. Attendez que ça me revienne. Oui. Voilà, c'est dur là. Tu veux participer à quoi, ma chérie? Dis-moi. À l'improvisé, enfin, les. Ah oui, bah là, c'est trop tard, hein. Bah oui, j'avais appelé pour ça tout à l'heure. Oh, c'est dommage, on aurait pu faire un petit film de cul avec toi. Ah ouais, on aurait été le jeu de l'acteur, là. Oh là là. Non, mais alors, bah, on le refera dimanche si tu veux l'impro. Comme ça, on a déjà quelqu'un pour dimanche. Bah dimanche, je serai parti, mais ça va. Bah tu vas où dimanche? Bah je suis plus là. Je pars là dès demain. Oups. Tu pars où? Mais tu vas où? Ben moi je vais en Allemagne. Ah tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu vas foutre chez les Allemands? Ben c'est en fait je vais vivre avec mes parents parce que les études ici ça va pas pour moi. Ah t'es allemande? Ah oui j'ai des origines. Oh putain ça c'est bon pour Polo ça, une meuf qui est bien roulée, qui danse et en plus qui maîtrise le fouet tu vois. Et qui est allemande, j'adore. Ça, ah, il aurait été remis à sa place. Ah, il aurait été remis à sa place, c'est pas mal. Je viens à Berlin, moi aussi. Bah oui, Hartung. Yeah. Mais t'es... Bah c'est pareil, mais enfin c'est pas grave, à la limite, on peut même t'appeler, même si t'es en Allemagne, on s'en fout, c'est pas toi qui paye, hein, c'est fun. Bah oui, si vous voulez, hein. Bah voilà. Pas de soucis, hein. Mais t'auras un numéro allemand ou t'as un numéro français? Bah j'ai toujours mon numéro français. Parfait. Hein. Bon bah tu nous donneras ton numéro allemand, comme ça tu payes pas. Ben en fait je vais toujours garder ce numéro mais oh, c'est trop compliqué ce déménagement. Bon non, je suis pas grave, Polo va venir porter les cartons. Oui Polo est déménageur également le week-end hein, donc si tu veux il y a aucun problème. Nickel dos. Mais oui mais c'est pas grave c'est pour une bonne cause. Bon ben très bien bah écoute alors et tu vas habiter où en Allemagne? Ben pour l'instant j'attends les infos donc je suis pas encore au courant. On m'a dit mes parents m'ont dit va à la capitale on va venir te chercher t'en fais pas. Bon ok merci. Bon, d'accord. Ah donc tes parents sont là-bas? Voilà ils sont déjà là-bas. Ok d'accord, ça a l'air particulier ta famille quand même Lola. C'est-à-dire que l'autre parent oui elle déménage dans un pays, elle sait pas où. C'est-à-dire ouais, qu'elle va là-bas. Ses parents, ça va. Surprise. Et surtout avec les Allemands on sait jamais à l'avance hein. Bon en plus tu vas bouffer de la saucisse hein, là-bas. Ah oui, de la grosse saucisse de Frankfurt. Ah bah oui, ça je te confirme. Bon, la préférée de Polo, hein, je le rappelle. Oui, bah oui. Lola, bon, reste avec nous dans le standard, hein, du coup, hein, si t'es bien là. D'accord, bah, c'est excellent. Hein. Bah écoute, bah merci toi, Lola. Tu pourras toujours nous écouter par internet quand tu seras en Allemagne. Ah mais oui, ça, parce que sinon si vous êtes plus là, moi je vais mourir. Hein, bah t'inquiète pas, bah, déjà, aussi, hein. Déjà qu'on a perdu, on va perdre une auditrice là. Non, la semaine prochaine. Lola, n'hésite pas, polo@funradio.fr, je serai là pour te soutenir. Mais au plus tu donnes le mail, au moins personne. Enfin, au moins t'as plein de gens qui t'écrivent, c'est un truc de fou quand même. C'est pas grave, mais c'est parce qu'on les pèle peut-être mal. Donc c'est P-O-L-O. J'ai déjà noté. Ah, tu l'as déjà noté. Très bien. Eh ben, tu lui envoies une belle photo d'une saucisse de Francfort quand tu seras là-bas. Il sera ravi. Une photo de moi ? Avec beaucoup de choucroute. Ah, non. C'est une photo de toi, pas la choucroute. Il veut une photo de choucroute et de saucisse de Francfort. Je veux une photo de toi, voilà. Pas de choucroute. Il préfère la bouffe aux filles, donc une photo de choucroute, tu peux lui envoyer. D'ailleurs, il faut savoir que Polo fait souvent l'amour avec de la nourriture. Exactement, avec des choucroutes. Bon, donc, bah alors, je prendrai la photo de ma sœur. Bah non, pourquoi elle ressemble à une choucroute? Non, je suis méchante. Ah bon, mais oui, effectivement, oui. Bon, alors, Lola, reste avec nous. On va faire le jeu des mises dans quelques minutes. Avant ça, il y a Meryl qui est avec nous, là, de Martigues. Salut, Meryl. Salut. Comment? Oula, t'as un téléphone de merde, Meryl. Hein, permets-moi de te le dire. Moi, t'as Très mal. Ça, le son est dégueulasse, Meryl. Ah, excusez-moi, c'est pas ma faute. Non, bah si, justement. C'est... c'est mon téléphone. J'ai un peu un téléphone un peu... Ah, quoi que là ça a l'air d'aller mieux, là. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Meryl? Ouais, parce que j'ai entendu la voix de Laura, c'est ça? Lola, ça commence mal. Ah, Lola, excuse-moi. Elle est prise, allez, casse-toi, vite. ça commence. Bah oui, ça commence. Ah bah, il y a Polo, il a mis une option dessus, hein. Ah ouais. Ah, mais... Ben, je voulais, voilà, en gros, le rencontrer, quoi. Si c'est possible. Oui, bah faut te dépêcher parce qu'elle part en Allemagne demain. Donc, Ah, je sais, on m'a dit au standard. Ah ouais. Donc, sachant qu'elle est en Gironde et que toi, t'es dans les Bouches du Rhône, il va falloir faire un peu de trajet quand même. Hein. De quoi? Je dis, sachant que toi, t'es dans les Bouches du Rhône et qu'elle est en Gironde, ça fait un peu de trajet, surtout à faire avant c'est demain. Pas, c'est pas un souci. Ah, c'est pas un souci, donc tu vas traverser la France. C'est les ravages. Bah visiblement oui, Lola. Ah, mais ça fait un souci. Bah c'est ça. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que tu veux lui dire, Meryl? Hein? Qu'est-ce que tu veux lui dire en plus? Parce que là, pour l'instant, Ben voilà, donc c'est en gros, c'est sa voix qui m'a fait appeler, quoi, on va dire. T'as quel âge? J'ai 19 ans et toi? Ah, j'ai 20 ans, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Non, mais t'es sérieuse, Lola, pour un an? Je la kiffe. Ah, mais oui, moi je suis Varsova, je suis au détail, hein. Non mais moi aussi je suis au détail, hein, t'inquiète pas. Ouais, hein, ça va, un an de moins. Je m'en fous parce que je suis un mec. C'est marqué, ouais, quand même. Hein. Bah ouais, bah, c'est peut-être ça le problème. Hein. On a le facho, quoi, voilà. Ouais, hein. Oh, les l'OM. C'est un Marseillais, il a déjà 22 ans. Non mais oui, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. Bon, ben Meryl. Ouais. À bientôt. Ouais, je peux passer une dédicace? Allez, t'auras gagné ça au moins, vas-y. Ouais, ben je voudrais passer une dédicace à mon meilleur pote, Brian, le portugais. Très bien. Voilà. Et ben message passé, pas de problème Meryl, salut à toi. Et voilà, dédicace à tous les Marseillais, allez l'OM. Et allez l'OM, bien évidemment. Il joue ce week-end Meryl, l'OM. Hein? Il joue contre qui ce week-end? Ajaccio. Ajaccio, bon ça va aller non? Ouais, après si. Bah ouais, enfin on sait jamais. Hein. Bon bah salut Meryl. Allez, à bientôt. Donc Lola ne veut pas en dessous de 20 ans. Elle a raison. C'est quoi l'âge que tu veux? À peu près 8 ans d'écart maximum, mais au-dessus. Ah, 8 ans d'écart au-dessus, donc 28. Ouais, voilà, maximum. Bah écoute, ça va, Polo a 22 ans. Ouais, bah, non, il a 22 et demi. Moi, j'ai 22 ans, ouais. En revanche, là, donc c'est parfait. Deux de plus, c'est très bien. Pas de problème. Et vous, je vous dis un truc, et c'est là que tu sais que c'est sûr et certain que c'est une bombe. Elle a dit, ouais, t'as 19 ans, j'en veux pas. Ça, c'est typique. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si, ça ne veut rien dire. Parce qu'elle sait qu'elle a le choix. Donc non, elle se fait plein de délires. Oh là là. Je rappelle que Polo, par exemple, elle a pas tout ça. Oui, oui. Polo est chercheur en meuf, hein, je le rappelle. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a des meufs quoi. Qui sont chiantes, ça veut pas dire que ce sont des bombes. Ah oui, non, ça c'est clair. Non, c'est une bombe. Bon, bah Lola, reste avec nous. Il y a Adji aussi qui est avec nous, là, 25 ans de Metz. Salut Adji. Salut. Comment ça va? Ça va aller mieux si vous m'aidez, quoi. J'ai pas compris, Adji. Ça va aller mieux si on peut, si on t'aide. Voilà. Si on t'aide à quoi faire? Bah, à demander mon ex-copine en mariage. Ouais. Attends, tu veux demander ton ex-copine? Voilà. Mais donc ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble? Ça, on n'est plus ensemble, c'est peut-être. Mais tu veux te marier avec la meuf avec qui tu n'es plus? Voilà. Tout ça est logique. D'accord, ok. Bon, et pourquoi t'es plus avec elle? Bah, en fait, c'est à cause de sa mère, quoi. À cause de sa mère? Quel rapport? Voilà. Bah, moi je travaillais quoi, ça fait que tous les jours je rentrais tard parce que j'ai habité chez elle pendant 8 mois. Ouais, chez elle ou chez sa mère? Chez elle. D'accord. Enfin, chez sa mère, elle a un appart à pas. Ok. Et ça fait que je l'ai ramené pendant une semaine et demie chez sa mère. Et pendant une semaine et demie, sa mère elle a fait ce qu'elle avait à faire quoi. Parce que sa mère en fait elle peut pas me traquer. D'accord, donc elle a tout fait pour casser le couple. Non, ça c'est parce qu'elle est en kiff sur toi. Ça ah peut-être aussi. Ouais, c'est possible. Ça fait. Ça fait 9 ans que je suis en train de subir avec sa mère, quoi. Ah ouais, ouais, ouais, d'accord. 9 ans quand même, oui. Ah, 9 ans, ouais. Et donc, c'est fini depuis quand, là? Ben là, ça fait 3 semaines. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'écarts. Il y a des enfants qui sont rentrés entre. Elle a eu 2 enfants qui sont pas de moi. Elle a eu ma fille de moi. Ah, en... Tout ça en 2 ans? Mais comment? Tout ça en 2 ans? Non, en 9 ans. Ah, en 9 ans. Donc, alors, si je résume, donc, elle a un gosse qui n'est pas de toi. Elle en a une qui est de toi. Et après, elle en a eu encore un qui est pas de moi. Attends, Attends, il faut que tu m'expliques des trucs, parce que là, il y a un... Attends, le truc que j'ai compris. Donc, elle a eu un gosse avant toi. Jusque-là, ça arrive. Non, elle était avec moi. En fait, je résume en 2 secondes. On était pendant un bon moment ensemble. Ouais. Oui. Et ça a cassé. Bah, oui. Sa mère, elle est rentrée encore de nouveau entre. Ça fait qu'elle s'est mise avec un autre gars et elle a eu un enfant. Mmh. Et quand moi, j'ai revu mon ex, bon... Depuis mon âge de 16 ans, j'étais amoureux d'elle, quoi, et je lui suis toujours. D'accord, et donc là, elle a 3 gosses, dont un de toi. Voilà. Ok. Oh. Bon, ok, d'accord, c'est noté. Et donc là, c'est tu n'es compliqué. Plus... Oui, non. Un petit peu, c'est pour ça que j'essaie de schématiser dans ma tête, hein, parce que déjà que j'ai du mal à comprendre d'habitude, mais là encore un peu plus. Donc, on va l'appeler. Enfin, tu veux l'appeler ça, avant ça, je voudrais expliquer encore un truc, parce qu'en fait... Oui, parce que des fois, on sache pas tout. Quand on s'est séparé, en fait, sa mère, elle m'a menti. Elle m'a dit comme quoi elle s'est remise avec son ex du dernier petit. Et que, en fait, tout ça, c'était du pipeau, quoi. Et ça fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'assistance sociale, tout, parce que le gars, c'était un buveur d'alcool et un fumeur de drogue. D'accord. D'accord, ok. Et donc là, tu crois pas... À cause de ça. Donc là, t'es persuadé qu'elle est célibataire encore, au final? Non, en fait, je l'ai vu il y a 2 jours, parce que je suis allé voir ma fille. Je suis allé la voir, elle. Mais bon, j'ai pas osé lui dire quoi que ce soit, quoi. Parce que pour elle, soi-disant, elle m'aime plus et je voudrais trouver une solution quoi, pour me remettre avec elle parce que je tiens beaucoup à elle. D'accord. Alors, sinon, il y a Daoud Douida qui dit si son ex refuse, offrez-lui une poupée gonflable offerte par passagedesir.fr. Lol. Oui, c'est une idée, effectivement. Après, aussi, ouais. Il y a des sex toys qui existent, c'est des poupées et qui ont la bouche rouge. C'est quoi? Il y a quoi, tu dis? C'est des poupées gonflables et qui ont la bouche rouge pour bien laisser passer le sexe. Quoi. Bah, mais Lola, ça va pas ou quoi? On est en couple, je te rappelle. Hein. Lola est connaisseuse. Oui. Elle a vendu du sextoy. Hein. Ah ouais. Il y a Viva Madrid aussi qui dit ah ouais il est chaud lui. Alexou qui dit ouais le mec il veut se marier avec son ex. Il y a putain de génie qui dit trop de manières. Un an c'est rien. Et alors bah oui ça c'est par rapport à Lola. Et Fatih qui dit vous êtes trop je kiffe. Et pour les miss je connais une miss Liège intelligente et blonde par moment. Oui mais alors par moment. Et Megumi qui dit mais tu en fais quoi de toutes ces photos Polo? Rien parce qu'il en reçoit pas en fait, c'est ça son problème. Des photos de saucisses là. Là il vient de recevoir des photos de saucisses de Francfort. C'est toi Lola qui lui a envoyé une photo de saucisses de Francfort? Non, c'est pas moi. Moi, je vais vous envoyer une photo de moi. Il ne veut que des saucisses de Francfort. Non, toi, Lola, c'est toi que je veux. Bon Lola, est-ce que t'es d'accord qu'on mette la photo sur le Facebook ou pas? Tu peux me dire non, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste pour demander parce qu'il y en a plein qui sont en chien pour la voir. Donc si tu me dis non, on la met pas. Si tu me dis oui, on la met, mais c'est pas obligé. Ouais, allez. Ouais, allez, ça veut rien dire. Allez, oui ou non. Ouais. T'es sûr? Non, non, mais je te force pas, Lola, il n'y a aucun problème. Ouais, hein. Si tu me dis non, on la met pas. Il n'y a aucun souci. Hein. D'accord. C'est juste qu'il faut que je trouve une photo. Oui, ah bah, cherche-en une. Une belle photo. Et puis on la mettra sur le Facebook. Bon, dès que tu l'as, tu nous l'envoies par mail et on la met, d'accord? Ouais. Bon, je vais peut-être le faire repasser par le Facebook plutôt de ma soeur, ma petite soeur. Oui, bah peu importe, mais tu vas me l'envoyer où? Ça vous va sur votre Facebook de Fun Radio par message? Sur le Mickaël officiel, hein, pas celui de Fun, hein, parce que je n'ai pas accès. Mais si tu vas sur le Mickaël officiel. Ok. D'accord. Okay. Bon, si jamais ça galère, t'inquiète pas, t'expliquera. Il y a Cyril qui j'ai la possibilité de voir Lola demain avant qu'elle parte en Allemagne. Je suis sur Bordeaux, j'ai 23 ans aujourd'hui. Ah ben voilà, tu as une affaire qui peut marcher, tiens. Bah attends Cyril, on va voir la photo de Lola. Et Sarah qui dit elle est un peu compliquée l'histoire, hein, mort de rire, demande son ex en mariage, tu rigoles? Bon, j'avoue que c'est peut-être un petit peu bizarre hein, quand même, sachant que vous n'êtes plus ensemble. En plus, surtout, ça fait bizarre par téléphone, enfin, il peut pas le faire en face. Bah non, visiblement c'est compliqué. Bon, écoute, mais tout a l'air compliqué dans cette histoire. Adji, c'est pour ça. Bah oui, Adji, reste avec nous. Si vous êtes une fille, un garçon, vous voulez donner votre avis avant qu'Adji appelle son ex, justement. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et puis on va revenir juste après le son de Lady Gaga. Ça vous branche? Qu'est-ce que t'as envie d'écouter, un truc en particulier, Lola? Lola? Oui, oui, désolé. Je suis en train de chercher la photo là. Ah, tu as envie d'écouter un truc en particulier ou pour rien de spécial? Non. Michael Moore, Lady Gaga, Fédé Legrand. Pour moi, les musiques c'est comme des pubs. Donc je vous entends parler, c'est le meilleur. Oh, ça sucerait le sang et tout. Ah oui. Mais arrête de me faire manger. Ça, c'est tout ce qui passe dans la tête de Polo en ce moment. C'est ça. Non, non. Si. Lola? Oui. Oh, tu aimes le sperme? Lola, Polo avait une question primordiale. Est-ce que tu as les cheveux longs? Oui, jusqu'à. Oh, yes. Parfait, non, c'est parce qu'il il a une pratique courante, c'est qu'à la fin il faut qu'il s'essuie dans les cheveux. Ouais. Oh, non, c'est pas vrai. On va jouer tous les deux la marelle. C'est pas vrai, on va faire l'amour, voyons. Mais oui. Ah oui, après tu prends le manche en main et puis tu guides. Hein. Mais. Tu te sucerais le sang et tout. Il est bien pire, Polo. Ça va être la folie totale. Tu te sucerais le sang et tout. Bon, allez, reste avec nous, Lola. Restez vous tous aussi, hein, tous derrière là avec nous. Adji qui va revenir dans quelques minutes. Il y aura Aurélie et Justine pour jouer au jeu des Miss. Ça, c'est cool. Et puis, on est en direct jusqu'à 2h. Faites venir tous vos potes également. Prévenez-les, il se passe enfin quelque chose à la radio. C'est sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h. Je te sucerai le sang et tout. Oh, arrête de me faire manger. Épilez vos poils de cul. C'est quoi ton problème? Oh, tu aimes le sperme? Tous les soirs, 23h, 2h. Vous allez me casser les couilles longtemps, là. Mickaël, KLL, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct avec Fatih aussi, qui a envoyé un message qui dit Hadji, pauvre type, il doit passer à autre chose. Après 9 ans, c'est mort. Bah non, après, le mec, il y croit, tant mieux. Hein, oui. Bah oui. C'est beau l'amour. Il y a Phil aussi qui dit alors, lui, il a tout compris à la vie. Mets-toi avec ta main droite, Gisèle la fidèle, son histoire est digne des feux de l'amour. Et Stéphane qui dit Polo, il est vraiment chaud ce petit cochon. Et Sandro, j'ai 23 ans, je suis célibataire, je veux rencontrer Lola. Arrange-moi le coup, s'il te plaît. C'est Mathieu qui avait envoyé message. Ah, j'ai toujours pas reçu de photo, Lola, hein, c'est normal. Mais je trouve pas, nickel. Oh, tu as bien trouvé une photo, n'importe laquelle, on s'en fout. Mais vas-y, redis le site. Comment? Redis, comment s'écrit Mickaël? M-I-K-L. Voilà. Les 4 lettres. Voilà, les 4 lettres. M-I-K-L officiel, c'est sur le Facebook. Ou sinon, tu m'envoies un mail directement. Hein. Ah, trouvé. Ah, eh ben voilà. Enfin. Eh ben très bien. Bon, il y a le prince là qui dit j'avoue que je souhaite que Mickaël No Limit ne s'arrête jamais. Je suis trop accro à l'émission. Oh. Mickaël No Limit pour toujours, avec un petit cœur. Merci le prince Nadia. Oh. Polo est chaud sur le là, c'est Alexou. Et Julie qui dit hello Mickaël, je voulais savoir si tu lis tous les messages. Eh ben voilà, comme ça t'as la réponse. Par contre, la photo elle date, j'avais 18 ans. Oui, oh, bah, et c'est pas très grave non plus. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas dans le détail. Hein. En attendant, il y a. J'avais les cheveux courts. Ben c'est rien, Lola. C'est Polo qui va être déçu parce qu'il a les cheveux courts, il n'a pas la même finalité. Enfin bref. Bon, il y a également Laetitia, 25 ans, de Corbeil-Essonne, qui voulait réagir à Hadji avant qu'on appelle la meuf d'Hadji, enfin l'ex-meuf d'Hadji. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Comment ça va? Impeccable. Ah ben tant mieux. Sois la bienvenue, Laetitia, 25 ans. Tu voulais réagir à Hadji, toi. Donc Hadji, ouais, qui était avec sa meuf pendant 9 ans, elle a eu un gosse, ils ont eu un gosse à deux, elle a re-eu un gosse, mais pas de lui. Ils se sont séparés à cause de la mère qui est venue, qui a fait un steak frites et lui voulait autre chose. C'est et, ça, ouais. Et à un moment, ça a été la folie totale. Il a couché avec la belle-mère qui lui-même qui et donc lui-même a couché avec l'autre. C'est ça? Non, j'ai pas couché avec la belle-mère. Attends une seconde, Hadji et Laetitia. Lola. Oui. Tu te fous de ma gueule? Quoi? La photo que tu m'as envoyée là. T'es sérieuse? Quoi? Elle est complètement floue. Mais c'est pas ma faute, c'est la seule que j'ai. Non mais t'es non, sérieuse, c'est pas attends, tu fous pas de ma gueule, genre c'est la seule que genre c'est à l'ère du numérique, ouais, j'ai qu'une attends, seule photo c'est, de moi c'est, et c'est... Mais qu'elle en fasse une vite fait. C'est quoi? Mais oui, c'est quoi le nom de ta sœur là? Non, mais c'est Léa. Ouais, Léa, très bien, voilà, comme ça moi je vois c'est la question. C'est Léa pour l'ex-fille. Ouais, voilà. Non mais elle est complètement floue, t'es pas sérieuse, on voit rien. Mais... il faut que je vous la mette sur le Facebook parce que là on voit rien. Mais pas c'est qu'on voit rien, c'est au-delà de on voit rien. C'est celle-là. Alors attendez, je vais quand même la mettre parce que il faut quand même pas décoller. Excusez-moi. Non, je rappelle que la meuf nous dit ouais, je cherche une photo. Ouais. J'ai que celle-là. Je cherche une photo, faut que je fasse le tri. Alors attendez, je vais vous la mettre en direct live. Ah là, sur le... Mais les autres, j'avais 12 ans. Oui. Non, mais attends une seconde. Je vais vous la mettre sur le Facebook. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Ah, oh, je t'adore, Lola. T'es drôle. Mais les autres, j'ai 12 ans. Alors, j'écris. Attention, voici la photo de Lola. Est-ce que vous la trouvez mignonne? Est-ce que vous la trouvez... Elle est parfaite, floue comme ça. Mignonne. Elle est très charmante. Balancez vos messages et surtout, faites un like si vous trouvez ça clair. Attends, si vous aussi, vous n'avez pas vos lunettes. Voilà. Voilà, comme ça je te mets dessus. Hein. C'est plus simple. On verra directement l'avis des auditeurs pour voir si... J'allais pas vous montrer une photo où j'avais 12 ans quand même. Non mais par contre t'aurais pu en faire une en speed là, ouais, tu vois. Ça, mais j'ai les cheveux tout bouclés, tu t'en fais. Mais alors on s'en bat les couilles là, de toute façon on voit rien. Attendez, je vous la mets, alors c'est juste du caviar. Alors allez voir facebook.com/mickaël officiel et puis de Twitter également, ça sera mis dessus aussi. Vous tapez mickaël officiel pareil pour nous ajouter. Je vais voir la photo, scandaleux. Non, t'as l'air bien hein, flou. Comme ça. Elle a l'air bien flou, oui. Elle a l'air bien flou, ça à ce niveau là on est sûr. Mais c'est quoi, pas de quoi possible. Mais genre arrête, aujourd'hui toutes les meufs elles ont des photos d'elles, arrête de nous prendre pour des... En cul de poule, en ceci, en voilà, cou, en droite, tout, à gauche, à droite. C'est non mais là. attends, non mais Lola, attends, on va prendre l'avis des auditeurs. Je fais immédiatement un like. Non, parce si vous voulez pour me faire abonner, je fais une vidéo où je danse. Bah si tu veux, oui, ça d'accord, pas de problème. Mais c'est juste que je voudrais quand même avoir l'avis des auditeurs parce que ça se trouve c'est nous qui avons tous besoin de lunettes dans le studio et la photo était très claire. Non, elle est bien floue, moi. Tu vois, hein, je vais pas leur envoyer mais ça, mais j'ai pas le choix. J'aime bien ta coupe de cheveux par contre. Ouais, ouais. Ah, merci, c'est gentil. Non, c'est vrai. Je m'occupe souvent de moi. Voilà. Mais non, il y a Mazine aussi qui dit Fun Radio écoute parfaite depuis Toronto, vous déchirez les gars, continuez. Bah merci Mazine, on embrasse tout le monde. À Toronto, j'adore Toronto et la ville, c'est une ville où on s'est bien marré. J'aime beaucoup le. Comment ça s'appelait encore l'espèce de tour là. Ah c'est Vancouver. Non, c'est Toronto. À Toronto. Qu'est-ce que t'as dit? C'est Laetitia qui a dit ça? La CN Tower. Exactement, ouais. La CN Tower. C'était énorme, j'ai adoré aller dessus. Il y a Fatih qui dit trop fort Lola. Choisir, je préfère les chutes du Niagara. Oui aussi, c'est vrai que c'était magnifique. Pas mal avec cette espèce de King Kong là qui sort et qui est bien ragard. Ouais. Mais bon, dans l'absolu, c'était très sympa, effectivement. Donc allez voir la photo et attention, Lola, et c'est une pure bombe. Bonbon. Ah ouais. Allez voir, c'est la bombe de bombe, c'est-à-dire que tu peux être avec. Mais elle est pas sérieuse. Tu peux être avec n'importe quelle meuf, il faut la plaquer pour, ouais, Lola. Pour Lola. C'est la bomba de chez Bomba. Donc allez voir, le problème c'est le photographe à la base, mais allez voir facebook.com/emikaelofficiel. C'est moi le photographe. Ah c'est toi? Bah alors le problème vient peut-être de là aussi. Hein. Donc dites-nous ce que vous pensez. Mon téléphone dans la main. Dites-nous ce que vous pensez de Lola. Il y a Valentin qui dit ce flou est tellement flou. Elliot aussi qui dit plus fou tu meurs, trop flou, mort de rire. Il y a quoi aussi? Polo s'en branle, c'est bon pour lui. On voit rien, c'est Steve qui râle. Elle est tellement belle qu'elle rend flou ma vision, c'est Mademoiselle Frédéric. Sérieux, c'est du floutage de gueule ça Lola. C'est Francis. Effectivement, on voit très clairement Nicolas qui envoie ça. Elle est complètement floue, elle est d'une netteté hallucinante pour Nicolas. Bon, je mettrai une vidéo quand je danserai. Voilà, salement flou. On préfère la vidéo, je crois. C'est David qui avait envoyé le message. Mort de rire, est-ce que les lunettes 3D sont fournies? Faut nettoyer le miroir. Terrible la photo, j'ai oublié mes lunettes, je vois flou, c'est dommage. J'ai de la poussière dans les yeux, pété de rire, elle est pas mal. Effectivement, c'est un peu flou, etc. etc. Donc allez voir hein, facebook.com/emikaelofficiel. Je pense que nous avons trouvé la plus belle auditrice de Fun Radio de tous les temps. On est tous in love Lola. Bon allez, on va revenir vite fait à Laetitia. Enfin pas vite fait, mais on va revenir avec Adji et Laetitia. On fera le jeu des miss avec Marjo et Justine. Bon Laetitia, excuse-nous d'avoir interrompu, mais l'information n'attend pas. Tu voulais réagir par rapport à Adji, toi donc qui voulait demander sa meuf en mariage. J'ai fait le petit topo il y a quelques minutes. Moi j'ai une question bête. Est-ce qu'il a une idée des sentiments de la nana justement? Non. Ah. Je sais pas. Ça aurait été bien de commencer par là. Après, selon comment ça se passe quand tu la vois et tout, tu peux te faire une idée, mais c'est vrai que ce serait bien que tu aies au minimum une idée, quoi. Est-ce que tu as vu les signaux? Ouais, est-ce que le signal est passé? Parce qu'avant, avec les gonzesses, hein, tu sais comment ça marche. Hein. En fait, moi, je regarde juste vis-à-vis de moi. Ça fait depuis mon âge de 16 ans que j'étais avec elle. Et ça fait que mes sentiments, ils sont toujours restés égaux, quoi. Ouais, mais pour elle. Bah pour elle, on s'est remis ensemble et au début ça se passait bien et jusqu'à que je reprends un autre travail, ça fait que je rentrais tard, je partais tôt au boulot et sa mère, moi en fait j'étais commercial livreur et ça fait que j'ai pas d'heure à laquelle je peux rentrer et en fin de compte quand moi j'étais au boulot, il y a sa mère qui l'appelait tout le temps, ouais il est sûrement avec une autre nana, c'est pas normal qu'il rentre tard. Ouais, comment ça il va au foot, comment ça il passe pas du temps avec toi, et pendant des mois et des mois ça a duré comme ça jusqu'à qu'elle a craqué. D'accord. Bon, elle va voir encore moins. Bah peut-être. Ouais, écoute, de toute façon, je pense que le seul moyen de d'avoir les idées claires, c'est de l'appeler, hein, de l'appeler ou en tout cas que tu lui demandes. Après, je te fais pas l'appeler en live, mais. Bah, je vais quand même lui demander quoi. En live. Hein. Bah voilà. Bon, bah Laetitia, tu restes avec nous pour ramasser les morceaux au cas où. Y a pas de soucis. Très bien. Bon, Adji, elle s'appelle comment ta copine ou ton ex-femme? Samantha. Elle s'appelle comment, Samantha? Ouais. D'accord, ok, très bien. Est-ce que Flou Girl a éventuellement un conseil à donner? Moi, je dirais sérieux, par téléphone, je trouve ça fait bizarre. Enfin, d'accord. Mon avis, hein. Oui, non, mais bizarre. Tu l'as dit, tout à fait. Oui, Adji, tu voulais dire. Après, il y a des choses qui sont plus faciles à dire justement par téléphone. C'est vrai aussi. Mais est-ce que mais oui, mais moi, ce que je pense, c'est que les filles, elles préfèrent en face. C'est surtout, Oui, l'idée, d'accord. Ouais, mais nous aussi, Lola, on aimerait bien le voir en face, mais on voit rien, donc tu vois. J'ai vu la photo, pas mal le tie and dye de Lola. Attendez. Oui, de quoi, Lola, tu dis quoi? Je vous envoie une photo de quand j'avais 6 ans. Quand ouais, t'arrives, on s'en fout. Mais non, mais on veut pas 16 ans. Fais une photo aujourd'hui, Lola. T'es quand même pas une mongolienne. Mais Lola, t'es en pétard. Mais on s'en branle. Lola, t'as 16 ans en vrai, non? Non, j'ai 20 ans. T'es né en quelle année? Comment? T'es né en quelle année? Allô? Bah ouais, je voulais dire. Ah là là, Lola. Ah là là là là, tu étais grillé comme une merde. Attendez deux secondes, j'ai perdu ma télécommande, je suis dans le noir. Tu disais quoi, Polo, tout à l'heure? Ouais, ça, c'est une vraie bombe, ça se voit. Non, je suis dans le noir, là. Cela dit, elle peut avoir 16 ans, c'est une bombe. Ouais. Oui, j'ai vu, j'ai kiffé son tie and dye sur la photo en fond. Voilà, j'aime bien ça. C'est gentil. Hein. Ouais, elle est en tie and dye style. Sérieusement, c'est mon kin mort. Bah oui, mais non, mais Lola, mais c'est pas grave, il fallait pas mentir sur ton âge, c'est pas grave. Hein? Non, je pensais que vous alliez pas me prendre, c'est pour ça. Mais pourquoi? T'as quel âge en vrai? 16 ans, vraiment. Bon, je retire tous les messages de Gilou. Ouais, je les reprends. Excusez-moi, je reprends tous les messages que j'ai mis tout à l'heure. Ouais, mais pourquoi on t'aurait pas pris, Lola? Il y en a plein des filles qui passent et des mecs qui ont pas. En fait, ma petite soeur, tout à l'heure, elle a appelé et elle avait dit qu'elle avait 12 ans. Et elle est venue, elle m'a fait « Mais pourquoi ils m'ont pas pris? Elle est devenue en flamme. J'ai trop fait chier. » Oh, bah la pomme. Mais après, il faut voir ce qu'elle avait à dire, Lola, elle aussi. Elle a dit « J'ai 12 ans. » Ils m'ont dit qu'ils me prenaient plus tard. Je téléphone tout le temps. Sur qui elle est tombée? Sur Sandro ou sur Dexter le stagiaire? Je sais pas, j'en sais rien. En fait, Dexter, elle a un garçon. Dexter le stagiaire, il a voulu la découper au téléphone. Alors ah oui, c'est ça, parce que sinon tu me le dis, moi je tape, hein, y a pas de problème, hein, t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vais m'entraîner sur taf. Bon, Lola, reste avec nous, on va appeler la meuf d'Adji, d'accord? En fait, ah ouais, je veux voir ça. Oui, Adji. Avant de l'appeler, parce que moi j'ai fait exprès que j'ai fait un accident pour essayer pour qu'elle reste réveillée, quoi. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'ai fait style que j'ai fait un accident pour essayer de... Oh là là, Jimmy, ça c'est... Oh là là, C'est toi qui étais à l'accueil qui m'a donné le conseil là pour la garder. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce stagiaire. Ne jamais écouter Dexter. Ne jamais écouter Dexter, le stagiaire. C'est pas lui. Si, c'est sa faute. Il est coupable de tout, de toute façon. J'ai dû obliger de mentir, quoi. Bon, Adji, écoute, t'es risque et péril, Bon, ouais, mais j'ai besoin de votre coup de main. Hein. Bah, nous, on est derrière. Si ça va pas, on est là, t'inquiète. D'accord? Le coup de main, tu veux pas qu'on appelle Gilou? Parce que, franchement, jusque maintenant, j'ai essayé avec plusieurs meufs. Ça va pas, j'avais tout le temps elle. En tête, oui. Bon, écoute. Les meufs qui sont passées, ça va pas. Adji, on y va. Au pire, si tu veux, je peux toujours te jouer un petit peu de musique et te chanter dans le fond quelque chose. Au cas où. Laetitia? Oui. Est-ce que tu m'as déjà entendu chanter et jouer de la guitare? Parce qu'il est trop fort. Honnêtement, je sais plus. La radio, je l'écoute tous les soirs dans le camion, donc c'est peut-être passé, mais D'accord. Bah écoute, je vais. Attends, regarde. Adji, je vais te jouer. Si jamais t'es en galère, si jamais ça se passe bien, attends, à ce moment-là, je joue de la guitare et je chante en même temps. Je te fais un petit extrait. Tu me dis, Laetitia, après. Hein. Attends une seconde. Il y a pas de souci. Donc ça c'est la guitare, elle est accordée, ça va, c'est bon. C'est pas mal. Mais je peux donner un son un peu plus cristallin. Ouais, mais bon. Non, donc mais là, c'est pas toi. Attends, et là je chante en même. Bah si, c'est moi. Attends, et là je chante en même temps. Non, là c'est pas toi. Voilà, alors. Qu'est-ce que tu chantes bien, Mickaël? C'est quand même pas mal, non? Ah oui. C'est très convaincant. C'est trop fort, hein. Bon, ben je sais, merci, mais j'ai failli être chanteur à l'époque, hein. Puis bon, ça s'est pas fait, quoi. Ouais, il s'est cassé une corde vocale et du coup, il a pas pu reprendre sa carrière pro, quoi. Bah ouais. Bon, enfin bon, depuis ça. En même temps, vaut mieux, au moins, on arrive à l'entendre à la radio tous les soirs. Ah, mais t'inquiète pas, tu m'auras entendu tous les soirs, plein de fois, hein. Mais bon. Mais en musique, quoi. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, on y va, Adji, hein? Ouais. Tu veux y aller maintenant ou tu veux qu'on fasse d'abord le jeu des Miss? Ah bah non, parce que l'autre il lui a dit que t'as eu un accident là, pauvre. Bon, on y va, on fera le jeu des Miss après avec Auré, avec Marjolaine, avec Justine, bah du coup il y en a trois, c'est parfait. Bon, on y va, allez, c'est parti, bonne chance Adji. Hein. Merci. Allez, c'est parti. Oh la pauvre, en plus, ah, j'ai eu un accident, elle doit en stress. Mais ouais. Puis elle va être soulagée, mais elle va être démon. Enfin, bon, on va voir. Bon, ma guitare. Moi, je parle en premier. Vas-y, bah oui, bien sûr. Bah, ouais, allô. Mais tu comprends pas ce qu'on fait? Non, mais en fait, j'ai une petite surprise pour toi. C'est con, on aurait dû dire oui, c'est la cour. J'espère que... J'ai une petite surprise pour toi. Bah, elle a l'air heureuse. Et j'espère que ça va te faire plaisir ou... C'est pas gagné. Sinon, tu raccroches direct le téléphone. En fait, je t'ai appelé parce que avant, quand je t'ai appelé pour te dire que j'ai fait un accident, en fait, j'ai pas fait d'accident. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait exprès pour te... Le mariage. La demande en mariage basée sur un mensonge. Ça commence fort. En fait, tu sais très bien que je t'aime, que j'aime tes enfants et que j'aime ma fille. Ah, et déjà je voulais demander de t'épouser. Et là, t'es en direct avec toute ma France, là. Ah. Non. Ah non. Non. Oh là là. Oh là là. Okay. Merde. Oh là là. J'aurais tout fait pour toi. Hein. Ah ouais, bah là, ouais. Là, maintenant, t'es en direct avec toute ma France et il y a toute ma France qui a entendu ton nom. Ben, c'est pas grave. C'est non quand même. Oui, ça mérite d'être clair. Hein. Voilà. Je vais pas trop insister. Hein. Mais sache que je t'aime et je le ferai toujours à mon tour. Non, non, lâche l'affaire. Elle est partie. Et il y a que toi qui comptera pour moi. Ouais, mais. Il y a un moment, il faut lui dire que c'est. Et personne d'autre. Ouais, c'est lui qui l'a raccroché. Et je ferai tout pour essayer de te récupérer. Non, si dis-lui, c'est pas bien. Bon, elle a raccroché à G, là. Je pense que. Laetitia, est-ce que tu penses que c'est mort? Non. Non, il faut qu'il garde espoir. Non, disons que va falloir déjà le temps qu'elle se fasse à l'idée. Faut reconnaître qu'il est quand même 2h-20 du matin. Il y a des gens qui dorment peut-être un peu. Non, parce que elle dormait pas parce qu'il lui avait dit avant de ne pas dormir parce qu'il avait eu un accident. Oui, enfin, elle avait la gueule dans le cul quand même, ça s'entend. Hein. Ouais, c'est mais vrai. Quand t'as la gueule dans le cul et qu'on te demande en mariage, moi je la sors du cul. Hein. Je me réveille direct. Ouais, mais alors là, c'est vrai que pour le coup, sachant qu'elle est pas avec et... Je suis quand même pas convaincu. Hein. Ouais. Ouais. Même si c'est moi qui t'appelle, tu sors ta tête du cul. Pour me demander en mariage ? Ouais. Ah bah ouais, je vais être choqué. Ah bah ouais, c'est clair. Fais-moi le coup une fois pour voir. Bon, tu serais. Hadji. Oui. Bah, je suis désolé, hein. Bah, ce serait bien si vous appelez, que comme ça, elle sache vraiment que j'ai vraiment appelé avec Fun Radio, quoi. Ah, tu veux remettre le couvert ? Ouais, mais cette fois-ci, que c'est vous que vous parlez, quoi. Que elle voit vraiment pour ce que j'ai fait pour elle, quoi. Oui, je crois pas non plus, sinon que ça va peut-être la saouler encore un peu plus. On a qu'à envoyer Flou, c'est la spécialiste du mensonge. Ah bah oui, Flou. En plus, Flou. En plus, je pense qu'on l'a réveillé. Oui, on l'a pas réveillé, Flou, hein. Oui, ça c'est vrai. Ah, et puis, au moins qu'elle sache que j'ai vraiment appelé, qu'il y a toute la France qui m'a entendu pour ça, quoi. Ah ouais, mais ouais. Je crois que sa mère l'a influencé, quoi. Et puis, elle dit non, c'est qu'elle en vaut pas la peine, hein, sérieux. Ouais, moi, après, avec sa durée, alors que sa vie avec d'autres, elle a eu des enfants, donc elle a peut-être plus vraiment de sentiments non plus, quoi. Moi, je pense que cette histoire est aussi floue que sa photo. Oui, c'est vrai, c'est possible. Ah, mais c'est bon. Bon, écoute, Hadji, moi, si tu veux qu'on la rappelle, je veux bien, mais elle va, enfin, ça va peut-être pire que mieux, hein. Ouais. Bah, c'est pas pire que ça, quoi. Moi, je pense que t'as dit pas bien. Si tu pas. C'est bon, ça. De quoi? Il y a pas pire que ça. Hein. Attends, tu disais Laetitia? Je le conseillerais pas. Voilà. Donc, Hadji, tu veux quand même le faire? Ouais, mais que c'est vous que vous parlez cette fois-ci. Mais elle a l'air de t'en vouloir, en fait. Ouais, je crois qu'elle. Bah c'est parce que en fait sa mère elle m'a mis sur suspicion. Elle m'a dit qu'elle s'est remise avec son ex, mais en fait y a rien qui était vrai. Bon bah part sur cette piste là peut-être Mike alors. Bon en fait son ex c'était un buveur d'alcool et un fumeur de drogue. Et moi pour protéger les enfants, j'ai appelé l'assistante sociale, j'ai dit ouais elle s'est remise avec, mais en fait y a rien de tout ça. En fait sa mère, en 9 ans, j'ai jamais cru sa mère. Par pitié, mais quand je vous dis cette histoire est très floue. Dans un aussi gros bordel. Mais en fait, en 9 ans, j'ai jamais écouté sa mère. Et pour une fois, j'ai écouté sa mère, je me suis mis dans la merde. Ouais, bah oui, là pour le coup, oui. Bon, écoute, je veux bien qu'on la rappelle si tu veux, hein, mais bon, je te promets vraiment, mais alors rien de rien. Je pense que ça va empirer les choses. Bah hein. Oui, c'est possible. Surtout que là, je pense qu'elle s'est rendormie, juste à voir. En plus, Hadji, écoute ce que dit Flou. Hein. Ouais, mais je connais ma chance avec vous. Ok, d'accord, non mais voilà. Flou a donné son conseil, Laetitia a donné son conseil, on t'a donné nos conseils. Je m'en suis pris une savate dans la tête. Hein. De quoi, Flou? Je m'en suis pris une savate dans la tête. Hein. Ah, une savate dans la tête, carrément, bah oui. Bon, bah écoute, on va la rappeler alors, bah allons-y. Hein, c'est... Mais que c'est vous que vous parlez, c'est oui, pas oui, oui, Hadji, t'inquiète. Qu'est-ce que tu veux lui? Bah, je sais pas, je l'appelle. On commence par bonsoir déjà. Du tout ce que je lui dis. De la chance que t'as. Ouais, bah là je crois que je vais me ramasser le répondeur déjà ou alors l'insulter. I wanna be. Merde. Allô? Allô? Allô, oui, Samantha? Oui. Oui, bonsoir Samantha. Oui. Oui, on m'a forcé à appeler. c'est Mickaël, tu es sur Fun Radio et je t'appelais avec Hadji. Je voulais juste être sûr que tu as dit non parce que t'étais fatigué ou tu as dit non parce que c'est non? Je dis non parce que c'est non. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce qu'elle est un peu saoulée. Voilà, non mais je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça. Très D'accord. bien. Bonne nuit. Bonne nuit, Adji. Bonne nuit, Samantha. Bon, c'était prévu, hein. C'est ce que je t'avais dit, hein. Voilà. Hein, Adji. Ouais. Mais en même temps, Flou l'avait vu. Hein. Ah, Flou l'avait vu. Que, ouais. Miraculeusement, hein, quand on voit comme elle voit, c'est pas gagné à chaque fois, quoi. Donc voilà, Adji. Écoute, là, on a l'air saoulé. Hein. Maintenant. C'est vrai que c'est en pleine nuit, mais... Je vous envoyer les vraies photos, hein. Ah, le... ah bah très bien, Lola. Merci, Flou. Merci. Mais je crois qu'elle a bien précisé que c'était non parce que c'était non et pas seulement parce qu'elle était fatiguée. Donc ouais, je pense c'est que si elle essaye demain, ce sera mort. C'est vrai, c'est ouais, vrai. Mais dans 10 ans, ouais. dans 2 ans, ou en tout accroche-toi, Adji. Ou en tout cas... De quoi? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Non, on a dit simplement qu'il fallait peut-être laisser du temps. Il fallait peut-être laisser un petit peu de temps, effectivement. Ouais. Faut peut-être, je sais pas, laisser pisser le mouton, quoi. Et il y a trop d'embrouilles autour de votre histoire en plus, hein, pour l'instant. Avant le mariage. Il y a trop de flou autour de ça. Beaucoup à elle, ouais, en fait. faudrait laisser calmer le jeu et puis après, par la suite, qu'il essaye de la redraguer à la rigueur. Voilà, ça c'est une idée, effectivement. Ouais, bah écoute, en fait, Adji, tu dis. En fait, 9 ans avant, quand je les ai rencontrés, c'était une fille du foyer. Et jusque maintenant, il y a tout le monde qui m'a dit, toute ma famille, j'ai mis toute ma famille contre moi. Je suis allé en Turquie, je me suis marié, j'ai divorcé, je me suis remis avec elle. J'ai tout pour elle. Hein. J'ai tout bah fait ouais, pour elle. Mais Adji, là malheureusement, ouais, tu peux nous raconter c'est ça, c'est femmes. Bien, mais merci Flou. Mais Adji, là aujourd'hui, il faut que tu tournes la page, il faut que tu fasses autre chose, reconstruis quelque chose d'autre. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas d'autre solution, bah, tu ne veux pas la forcer. C'est le truc, c'est que c'est ça. J'en ai plein des défis. Mais oui, mais ça va passer. Il faut que tu la sors de ta tête, c'est tout. Truc, j'ai pensé ça d'en sortir en 9 ans. Mais non, mais il y a pas d'autre solution, Adji. C'est comme ça. Il y a pas d'autre solution. Elle veut pas. Tu vas pas la forcer, tu vois. Bah non, je la forcerai jamais. Bah voilà. Le truc, c'est que quand elle a un pépin, c'est moi qui la peine direct. Mais oui, mais dis-lui d'aller se faire foutre. Je sais bien. Mais oui, non, mais d'accord. Après que il faut que tu vois encore ta fille, bien entendu que tu vas encore la voir. Mais il y a un moment, faut tourner la page. Mais tu sais, aujourd'hui, tu essaies de dire ouais, mais c'est compliqué, c'est pas facile, j'y arrive pas. Mais le jour où tu tomberas amoureux d'une autre meuf, tu vas voir, ça va aller tout seul. Mais il faut laisser le temps, ça va pas venir tout seul. Enfin, peut-être que ça va venir demain, t'en sais rien. Mais il faut laisser pisser le mouton. Il y a rien à faire. Ah mais je vais essayer d'écouter vos conseils. Hein. Bah, et de toute façon malheureusement c'est les meilleurs qu'on puisse te donner, je pense en tout cas. Mais tiens-nous au courant, Adji. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Allez, bon courage. Et franchement, vous êtes des tueurs. Hein. Merci, Adji, c'est gentil. On n'a jamais tué personne. Hein. Bonne soirée. Hein. Salut Adji, à bientôt, ouais, merci beaucoup. Merci Laetitia également d'être passée. Hein. Mais de rien. Et puis bah à bientôt hein, dans le camion. Hein. Ouais, bah, comme tous les soirs. Très bien, ça marche. Salut Laetitia, gros bisous. Bisous. Ciao, et on se fait le jeu des Miss dans quelques minutes avec Auré, avec Marjolaine. Ouais, c'est à toi, Auré. Oui, putain. Ouais. Ouais. Il y aura Marjolaine, il y aura Justine également. On va faire le jeu des Miss. Vous êtes là, les filles? Oui. Vous m'avez foutu une sacrée boule. Hein. Pourquoi, Auré? Oh là là, mais quelle horreur, tout ça. Mais de quoi tu parles? Mais Adji, Laura, Momo... Non, mais toujours là, c'est pas Lola, c'est Flou. C'est Flou, oui. C'est Flou, ouais. T'insulte pas Flou, hein. Et c'est puis... la copine Flou. Et puis... Ah ouais, hein. On m'insulte pas, là. T'as pas le sacré boule. Pourquoi t'as... C'est le concept de la boule. Ben oui, mais pourquoi, Auré? Mais parce que là, je suis toute angoissée, je rentre chez moi pieds nus et j'ai froid. J'ai froid à Nice. Mais qu'est-ce que c'est que ça meuf, encore? C'est trop marrant de savoir directement. Ça fait des années que j'en rêve depuis que j'ai 14 ans. Non. Bienvenue sur Déglingo FM, quoi. Vieille. Non, c'est... Si vous voulez des photos, pas flouter. Bah si tu veux. Attends, d'abord Auré, combien mesures-tu? Bon, alors bon, je... Non, mais soyons raisonnables, je fais... En centimètres, soyons raisonnables. Oui, 1m68. Combien pèses-tu? Oh, au moins 73 kilos. Ah oui, quand même. Quand on a la gueule que t'as, toi, ouais, on ne se permet pas. Pour ma gueule, mais le notaire chez qui je travaille en ce moment me dit que je suis assez plantureuse. Je suis en train de devenir notaire, c'est ça qui craint. C'est pour ça que je vous appelle et ça craint. Ah mais tout craint en fait avec toi, Auré. L'histoire, t'es angoissée, tu marches pieds nus, alors on sait même pas où t'es. Mais sinon on peut dire qu'elle est intelligente. De quoi? Vous m'avez fait passer le hockey. Ah bah tant mieux. Bon, alors ce qu'on va faire, on va faire le jeu des Miss dans quelques minutes. On va d'abord écouter Michael Moore, d'accord? Ouais, parce qu'il faut qu'on se remette là. Avec plaisir, avec plaisir. Mais c'est quoi le jeu des Miss? C'est. On va t'expliquer. Aurélie, mais je pense que tu vas. Demandez à Geoff qui me brise. T'inquiète. On va gérer ça, Aurélie. Geoff, ça va pas être facile. Alors, je vais t'expliquer. Demandez à Geoff qui me brise hors antenne. Très bien. Ah, ça s'appelle pas Joss. Elle appelle Joff. Geoffrey. Parce que le stagiaire, donc, s'appelle Dexter, elle appelle Joff. Ok. Tu sais qu'il a pas fait Secret Story. Hein. Très bien. Bon. Tu as quand même une sacrée boule. Bon, Auré, je t'en supplie. On va mettre la queue mort maintenant parce que je pense qu'il faut qu'on fasse une pause là. Allez, tiens. I wanna be free. Michael Moore sur Fun, White Walls, il est 1h53, il y a Ariel qui dit est-ce qu'une photo faut être défloutée? Bah non hein. Ariel faut demander à Valentin. Le standard est maudit depuis le coup du plastic bag. Et puis Nico qui dit flou et ses remarques, elle me tue, je crois que je finirai pas la soirée. Et Alexou qui dit ça me rassure, je suis pas le seul à écouter l'émission avec moins de 18. Merci Flou. Bah tu vois, t'es quand même pas la seule Flou là. T'es pas la seule à avoir moins de 18. Je regardais les commentaires. Ah oui, et t'as vu, hein, ils sont pas élogieux, hein. Bon, il y en a, ils sont pas d'autres. C'est un peu moins sympa. Il y a Let's Be Freaks, il dit c'est flou tout ça. Il y a Fuck qui dit aussi si Flou l'avait vu, si Flou l'avait vu, ce que c'est que trois petits points. Et SFG qui dit Flou l'avait dit, hein, fallait l'écouter. Ah oui, c'est vrai. L'espoir fait vivre, leur histoire est vraiment floue comme la photo de Lola. Et le prince Nadia qui dit Mickaël, je crois que ça va être compliqué de rattraper tout ça. Au moins, c'est clair, oublie là. Oui, ça c'est une certitude. Écoutez ce que dit Flou, je suis dégoûté pour Adji. Il y a Ariel qui dit ah bah ça, photoshopé avec des moufles, si au moins c'était bien fait, mais ça s'entendait qu'elle avait 16 ans. Non, ça y est, je suis pas d'accord. Il y a des filles qui sont plus âgées, qui ont une voix très d'enfant. Ouais. Enfin, de, tu copine, elle a 20 ans. Ouais, mais elle a 20 ans comme toi ou elle a 20 ans comme Non, elle a vraiment 20 ans. Ah, elle a vraiment 20 ans, d'accord. Je okay. À chaque fois qu'elle parle, je rigole. D'accord. C'est plus fort bon, que moi. Alors, reste avec nous, Flou. Il y a Marjolaine, il y a Justine, il y a Auré. Vous êtes là, les filles? Oui, mais je m'appelle pas Auré, baby. Je m'appelle Or comme de l'or. Ah, d'accord, ok, parce que dans le standard, il est marqué AURE, donc pour moi, c'est Auré. Mais AURE, or comme de l'or, comme Horatia. Ouais, d'accord, ok. Or, si tu veux, pas de problème. Or, non malaise. Non, je vais arrêter de dire des vulgarités, par contre. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, Marjolaine, Justine et Or, et on va jouer ensemble maintenant, donc, à ce grand jeu. Quoi? On a dit qu'on faisait le tour des miss. Alors, Marjolaine, combien mesures-tu? Non. Or, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis avec Marjolaine. Combien mesures-tu, Marjolaine? Pardon. Combien pèses-tu? Ah oui, c'est grand. Bah c'est une miss. Elle est bonne à la fente. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Je sais pas trop. À peu près. À peu près, Marjolaine, on va pas chipoter. 85B, voilà. D'accord. Bon, allez, je dis pantal... 85B, ouais. Et la taille de pantalon que tu as acheté? Bah bien vu. Bon, Marjolaine. Je te sens, Marjolaine, je te sens contre moi. Marjolaine, la taille du dernier pantalon que t'as acheté. J'ai pas compris là. La taille du dernier pantalon que tu as acheté. Dernier pantalon que j'ai acheté. Hein. Oui. Slim noir. Non mais la taille. Non, la taille, Marjolaine. Quelle taille? 36, alléluia. 6 mois. 6 mois. Bon. Et enfin, on accueille Justine, 21 ans de Caen. On s'en fout. Très bien, arrêtez, très bien, parfait. Bon, alors, les filles, Marjolaine, Justine, Or, on va jouer ensemble. Et on va vous poser, la première qui a la bonne réponse doit crier son nom bien fort. Ok. C'est compris? Okay. Ça va être dur. On y va. Première question. Question mode et luxe. Qu'est-ce qu'un Angel chez Victoria's Secret? Ok. Allez, Aurélie, or. Ah, tu veux que t'appelles Aurélie? Mais oui, je m'appelle Aurélie, bien sûr. Or. Bien. Alors, un Angel, bah, c'est une sacrée bonasse, quoi. C'est une sacrée bonasse. C'est pas certes, vraiment la réponse qu'on attendait. Certes, mais c'est pas la réponse que je cherchais, donc mauvaise réponse. Bah, c'est un top model. Oui, allez, bon, d'accord. Merde, pardon, monsieur. Oh là là là. Très bien. Bon, allez, un point pour Or. Toff compte les points. Oui, je compte les points. Deuxième question. Je peux poser une question, moi. Non. Deuxième question. Non. Oui. Deuxième question. C'est moi qui pose des questions, vous répondez. Non. Histoire géo. Oui. Ah, on y va. Okay. Faites la terre. Histoire géo. Cité les 5 continents. Alors, Aurélie. Oui, Aurélie. L'Asie, l'Europe, bien évidemment l'Amérique, et pour finir, l'Australie, l'Antarctique, et non, l'Arctique et l'OTAN. Mauvaise réponse. Oh, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Justine. Asie, Afrique, Europe, Océanie. Et il en manque un. Allez, encore et... un. Oh, Amérique. Et l'Amérique. Bonne réponse. Vous avez entendu Flou qui souffle derrière. Ouais. Flou, on souffle pas. Flou. On arrête de souffler. Bon, troisième question. Ça fait un point pour Or, un point pour Justine, zéro pour Marjolaine, qui a bien fait de venir. Question politique. Ok. Qui, en France, qui est l'actuel ministre de l'Intérieur? Justine. Manuel Valls. Bonne réponse. Non. Ah si, dire son prénom. Manuel, son prénom. Manuel Valls quand même. Quatrième question. Question économie actu. Comment appelle-t-on familièrement le travail non déclaré? Justine. Travail au noir. Bonne réponse. Question sport. Qui est Novak Djokovic? Justine. Un tennisman. Bonne réponse. Question. Marjolaine, quand tu veux, surtout. Question et suivante. On peut vérifier que le téléphone de Marjolaine fonctionne. Marjolaine? Oui. Ah, parfait. Okay, c'est pour être sûr. Vous m'avez coupé, les gars. Non, personne ne t'a coupé. C'est juste toi qui dégaine. Trop tard. Qu'est-ce qu'elle en pense? Flou, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? D'accord, parfait. Question logique mathématique. À combien environ équivaut le nombre pi? Justine. 3,14. J'ai besoin de 4 après la virgule. 3,1456. Non. Presque. Mauvaise réponse. 3,14. Qui parle? Marjolaine. On la fout là, vous savez. 3,14. Non, j'ai dit que j'avais besoin de 4 chiffres après les virgules. Justine. 3,1455. Non. Personne n'a la bonne réponse? Non. Très bien. Eh ben c'était... Merde, pardon. Oui, c'est moi qui ai la bonne réponse. 3,1416. Ah oui, en effet. Eh oui. Question suivante, cinéma-télévision, qui présente le grand journal de Canal+? Aurélie Antoine de Caunes, c'est une bonne réponse. Musique, avec qui Rihanna signe-t-elle son duo Monster? Justine. Eminem. Bonne réponse. Et enfin, littérature. Ça vaut la peine ou c'est mort? C'est mort, hein. c'est Justine à plat de couture. Ça m'a fatigué. Justine? Oui. Eh ben bravo, bravo. Pas mal. Eh ben voilà. Mais du coup, comme Justine a gagné, Justine, combien mesures-tu? 1m76. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90D. Et la taille d'un pantalon que tu as acheté? 38. Oh, elle est bonne. Alors pas mal. Mais comme quoi, ce n'est pas le plus gros cul qui est gagné. Mais oui, c'est sûr. Bon ben Marjolaine, merci d'avoir participé. C'est dommage quand même, parce qu'il est sacré beau le gros cul. Ah oui, mais c'est pas Marjolaine qui me répond, c'est Or, hein, comme vous avez pu le remarquer. Oui, c'est moi, ouais. Mais vous êtes assez discriminant comme jeune homme. C'est un peu dommage. Pas. Non, Or, tu réponds trop tard, alors tu rates. Non, mais c'est parce que je disais pas mon prénom. Non, j'ai eu une très bonne perdante. On voit ça. On voit ça, ouais. Oh, ça va, j'ai envie de rigoler un peu avec vous. Ça ouais, ben on est pas drôle. Sache-le. Bon, Or, je te renvoie chez Dexter le stagiaire. Oh non. Mais si, tu peux négocier son numéro, il est célibataire. Mais justement, en rantaine, je te repasse chez lui. Tu vois, il a une voix suave. J'ai été insupportable à ce moment-là. Mais non, mais pas du tout. Pourquoi? C'est au contraire, c'est une récompense. Non, sur l'échelle de 1 à 10 de l'insupportabilité, tu étais à 20. Mais non, oh, n'importe quoi. Mais non, tu étais génial. Or, je te fais des gros bisous. Vous seriez avec moi ce soir, vous passeriez une très bonne soirée. Hein. Mais la preuve. Bon, Or, je te fais des gros bisous. Oui, moi aussi. À bientôt, Or. Salut. Bonjour, ouais. Marjolaine, merci de ne pas avoir participé à l'émission. Bah ouais, c'était, du coup. C'était sympa d'avoir joué avec nous. Non, c'était bien, on est content. Salut, Marjolaine. Allez, bonne soirée. À bientôt. Salut. Et Justine, bravo, tu repars avec je sais pas quoi, mais tu vas voir ça chez Sandro Sandard. Merci, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, il reste une boîte de thon. C'est un gros bisou à Landry qui m'écoute à cette heure-là. D'accord. Landru, eh ben Landry. Le message est passé, il y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Bonne soirée, ciao. Ciao. Flou. Oui. Bon, attends, reste avec nous, on va encore faire un appel. Ah cool. Okay. À faire un appel avec Toff là pour voir au niveau des culs là, donc c'est parti. Ah, il est un peu tard, hein, mais bon. Les gens devraient s'en remettre. Je vais demander. Non, tu demanderais du tout, Flou. Laisse faire les professionnels, t'as déjà fait assez de fait de casse. Pour les garçons. T'as déjà fait assez de casse comme ça. Ah bah ça décroche plus la sortie. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez un gros cul. Quoi ? Est-ce que vous avez un gros cul ? Qui c'est qui parle de ça ? Bah moi je m'appelle Toff. Ouais, mais vous avez pas honte de parler comme ça ? Bah non, pourquoi ? Mais vous êtes fou, non ? Mais pas du tout. Mais qui êtes-vous ? Bah je m'appelle Toff. Mais je vous connais pas, monsieur. Ben non, on se connaît pas, je veux juste savoir si vous avez un gros cul. Vous êtes horrible et mal élevé. Mais pas du tout, enfin. Enfin, vous êtes un grossier personnage, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous savez même pas à qui vous adressez. Vous êtes infâme. C'est comme Voltaire aurait dit, c'est la lutte contre l'infâme. Vous êtes peut-être très inculte, un illettré certainement, un grossier personnage, un illettré, un gros bêta. Voilà. Au revoir, monsieur, l'imbécile. Ah, il t'a tué. Monsieur l'imbécile. Un gros bêta. Monsieur l'imbécile, c'est pas mal. Un illettré. Complètement. Bon, eh ben, Flou. Allez, un petit dernier. Encore un ? Ouais, allez. Bon. Bon, allez, on en appelle encore un, alors. Ouais, je sais pas pourquoi d'appel aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, il y a tellement de choses à faire, là. Bon, on rappelle. Enfin, on rappelle pas, mais on appelle un autre. Allez, bouge pas, Flou. Ah ouais. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros cul. Pardon ? Est-ce que votre femme a un gros cul ? Va te faire enculer, connard. Ce que ça veut dire, tu es un connard. Tu me parles comme ça, enculé. Si tu es en face de moi, je te tue, je te casse la tête. Pourquoi vous dites tout ça, monsieur ? Je veux juste savoir si elle a un gros cul. Mais va te faire enculer, connard que tu es. Mais enfin, monsieur. Allez, va te faire enculer encore une fois. Mais pourquoi, monsieur ? Ah, c'était gratuit, ça. On le rappelle encore un coup ? Ah oui, une petite dernière. Allez, il était bon. Attends. On rappelle. Oui. Donne-moi un rendez-vous que je viens te voir. Non, mais excusez-moi, monsieur, mais je comprends pas pourquoi autant de violence. Tu me parles comme ça, espèce d'enculé que tu es. Mais attendez, monsieur, moi, je veux juste savoir si elle avait un gros cul. Ah bah, c'est trop tard. Ah bah, voilà, elle a raccroché encore une fois. Bon, bah, tant pis, on fera ça, hein. Bon, Flou ! Oui. Bon, bah, bon voyage, hein. Est-ce que c'était vrai, ça, au fait, le coup de l'Allemagne ? Oui. Ah, ça, c'est vrai. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, bah, voilà. Tu vas manquer, Flou. J'ai envie de rester avec vous. Ah, bah oui, mais j'ai envie que tu partes. Hein. Ah, bah oui, mais Flou, en plus, les programmes de Fun Radio s'arrêtent après l'émission. Hein. Ouais. Donc, nous avons encore les pubs. Quelle pub ? La musique. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, il y en a plein, oui. Ça marche. Bon, Flou, bah écoute, tu nous rappelles à l'occasion. Tu nous fais un petit message. Ouais. Gros bisous, Flou. Bisous. Salut, Flou. Et puis on l'appelle Flou parce que, bien évidemment, elle nous a envoyé une photo plus que Flou. Voilà, on devait avoir Jordan aussi, mais on n'a pas le temps, là, pour le coup. Jordan, 20 ans de Castres. Ça va bien, Jordan ? Ouais. Ouais, ça te dérange pas si on te rappelle dimanche ? Ouais, bah pas de problème. Bon, on parle de quoi dimanche avec toi ? Ben en fait je voudrais me remettre avec mon ex. Ah toi aussi c'est... Ouais. Mais t'as vu, mais... ça marche pas toujours très bien. Ouais, hein. Pas toujours, ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Très bien, mais écoute, on verra ça, alors y'a pas de problème. Hein. On se rappelle dimanche, d'accord ? Ok, ça marche. Ça roule, salut Jordan. Et puis on se fait le top tweetos également, là on est pas en avance. Les 5 meilleurs tweetos de la soirée. On y va, c'est parti. Go. Alors, numéro 5, Fafane. Numéro 4, Cédric. Numéro 3. Donc, qui gagne le sextoy. Oui. Offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Ah oui, c'est le numéro 3 qui gagnait, oui. C'est vrai ça. Benjamin, 22. Très bien. Et number 1. Non, c'est 2. Numéro 2. Numéro 2, pardon. Oui. Warren GZ. Voilà. Et number 1. Comme d'hab. Let's be freaks. Très bien, parfait. Bon, bah bravo à vous. Bravo numéro 3 qui a gagné le sextoy ce soir. Et puis. Bah et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Merci Benjamin en tout cas. Qui cherche un très bon roadster. Hein, c'est vrai, bah tant mieux. Bah, on lui fera un sextoy à la place. Merci, oui. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Générique de fin d'abord, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. Et puis les vocales de cul. Alors t'encules ton oncle. Coquille comme toi. Ta gueule de merde, toi l'enculé. Suce ma bite. T'encules ton oncle, c'est toi la journée. C'est un petit connard. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes un mal dégueulasse. Épilez vos poils de cul. Ah ça c'est un solo de 100 euros ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas grand chose à branler de votre journée. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ça va me faire péter les plans là. Va toi faire enculer toi. Et je sais pas avec qui t'es à tous faire enculer maintenant. Vous commencez à me bander là. Épilez vos poils de cul. T'aimes comment ça te fait enculer. Et puis ton oncle c'est un enculé. Épilez vos poils de cul. On est des enculés. Suce ma bite. Et ben voilà. Merci Lilou. Merci Lilou comme d'habitude. Ce grand talent comme d'habitude. Bon ben bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Rencard samedi à 20h. On sera en direct sur Fun Radio pour Starfloor comme chaque année. Voilà, c'est la première fois pour moi. Donc Starfloor avec Karima samedi à partir de 20h. Et puis pour ceux qui sont pas là, eh ben on se retrouvera dimanche dès 20h avec les PlayStation 4 avec des montres super high-tech Sony, ouais, qu'on vous offrira aussi. J'ai mis la photo sur le Facebook tout à l'heure. Donc voilà, gros bisous tout le monde, bon week-end, rencard samedi, donc Starfloor à partir de 20h et dimanche pour l'émission. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et il y a notre ami JB, c'est ce que j'ai dit, le programme s'arrête. Voilà, le programme s'arrête. Le meilleur du programme commence. Ouais. Non. Numéro ah non, c'est vrai que c'est quand même numéro 1 à la nuit. Hein. Plus 166%, mais ça ce n'est pas grâce à lui. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut mordre les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me conquérir ma merveille. Voilà, Jean-Pierre Sauzère qui passera cette nuit dans l'émission de JB. Dans JB on the night. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Et exactement. Ouais. Bon, bah JB la nuit, hein, jusqu'à 6h du mat à l'arrivée tu de Bruno. Tu feras une imitation de Bruno à Starfloor samedi? Ah, oh, peut-être. Ça pourrait être un défi. Ouais, ouais, peut-être, d'accord. Tu pourrais faire un pitch. Pas ouais. De problème, la pas France. De problème. Mais c'est, qu'est-ce que je gagne si je le fais? Bon, bah, c'est un défi, c'est quoi? Ah oui, tu vas gagner un snack de Toff. Si, non. Non, ah oui. Si je le fais, si, oui. Tu roules un patin baveux à Toff. Ah si. Non. Et cette fois-ci, le vrai filet, hein, pas. Non. Parce que je vais te dire un truc. Et si moi je faisais pas, la vanne la dernière fois, si, j'aurais rien eu. Donc si tu le fais, n'aime pas les raies. Tu le fais déjà, les si n'aiment pas les raies. Donc si je le fais pas. Mais alors je le fais pas, si je le fais et que ma récompense c'est de... Ah bah si tu le fais pas, t'as le patin de Toff. Et si je le fais, tu le fais toi. Non. Bah si mec. Mais non. Mais si. Mais non, parce mais que si. J'aurais fait ma vanne, j'aurais rien eu. Tant pis. That's the rule, motherfucker. Non, allez, tu le fais pour la gloire. Non, genre un foutre de la gloire, je suis plus salarié de la gloire. Pour la gloire. Alors la France. Tu la t'engages France ou tu t'engages pas là. C'est Toff, ça va là. Ouais, non, bon. sinon on peut mettre les caméras à toutes les missions et tu l'as fait. Tu lui épiles l'arrêt. Ah ouais. Ah oui l'arrêt. Oh, tu lui épiles l'arrêt. Épilation de l'arrêt. Mais non, pourquoi elle a déjà fait avec en direct à la radio. Non, mais jamais. Avec des gants. Avec des gants. Jamais. Jib. Et sur la tête des canards. Jamais. Jamais. Vous avez vu comment il est? Ah ouais, eh ben pour la peine. Pour la peine, parce qu'il faut savoir que là il est dans notre studio. Donc la nuit en fait il va dans l'autre studio, ouais. Donc il court de l'autre côté. Ce qu'on va faire c'est que pendant son émission, même maintenant d'ailleurs, nous on va partir. Hein. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, Rancard, donc comme je le disais, dimanche soir par, dimanche soir pour l'émission des 20h avec des PlayStation 4 à gagner. Et puis demain, non, samedi, ouais, parce qu'on est jeudi, samedi on se rend direct donc de Starfloor, direct de Paris-Bercy, diffusé sur fanradio.fr, dès 23h sur 23h30 sur W9 et à 20h en direct sur Fan Radio, toute la France, la Belgique, l'Espagne, tout le bordel. Et on va se quitter maintenant sur Fan Radio jusqu'à la fin ou pas, bah, c'est notre ami JB qui le décidera. La musique de Jean-Pierre Sauzère. Bonne nuit tout le monde. Cette chanson est envoyée par JB. Si les sous-chefs disent quelque chose, eh bien je ne suis évidemment absolument pour rien là-dedans. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. C'est Jean-Pierre Sauzère pour démarrer cette nuit sans pub sur Fan Radio avec JB. Qu'il coupera quand il veut, bien entendu, hein, c'est lui qui décide. Nouvelle bombe. New music. Découverte Fun Radio. Bon allez, retour à la normale sur Fun Radio. Backer Matt à venir, lui il sera à Starfloor. Et puis la nouvelle bombe de Hardwell, vous la découvrez tout de suite à 2h16 sur Fun Radio. Bienvenue à tous, c'est JB. We're a million.